Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Cette semaine, on m'a plan de show. Dans Télévisie Télévisie, les séries remplaceront la musique à Musimax. Je regarde l'horaire et je vois un super presque parfait, Charmed et Taxi Payant, mes émissions musicales préférées. Dans Segment Geek, CNX, l'Algérie bloque les médias sociaux pour éviter la tricherie aux examens. Pourquoi ne pas s'attacher les mains des élèves dans leur dos et leur mettre une pomme dans la bouche? Et dans Merci Science, un poisson qui peut reconnaître les visages humains. On m'a assez plan chaud tout de suite. Hein? Voici celui qui reconnaît les poissons seulement quand ils sont en bâtonnet, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 20 juillet 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de science, technologie, médecine, merci science et le segment geek CNX. Si on a du temps à la fin de l'émission, ce qui est rare, on fera c'est un fait à Kedeshun. On va aussi continuer notre série musicale Smooth McGroove Remixed sur la musique de Smooth McGroove, mais remixé. Dans quelques instants, Tania Baudin, l'animatrice d'En Piste avec Tania Baudin, va être avec moi pour parler de jeux vidéo. Salut Tania. Ça va bien? Oh, ben oui, très bien, oui, toi. Absolument. De quoi est-ce qu'on va parler tantôt? On va parler du nouveau F1 2016. OK, F1. Oui, F1. Moi, c'est la touche que je connais comme pour me faire aider sur Windows. C'est ça, exactement. Non, c'est pas. On parle pas de clavier ici, on parle vraiment de jeu de Formule 1. F1 tout à l'heure avec Tania Baudin, mais pour l'instant, on commence l'émission en musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo encore créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et le premier extrait est par Art Demon. Voici Mozart Dies. J'ai pas de Pierre Lalonde Dies en chiptune. Oh. Je m'excuse. C'est le temps de vacances. Ah, oh, ce serait bon en chiptune, ça. Ah, malade. Arc Demon et une pièce de Mozart dans son Requiem de 1791-10 et je ne connais comment le prononcer, mais donc l'artiste s'appelle Arc Demon. Toujours Mathieu Plante Show, maintenant c'est le moment d'accueillir Tania Baudin pour la première fois à l'émission, en tout cas oui, première de plusieurs, j'imagine, peut-être. Je pense que c'est la première fois, sinon ça l'a été en automne, mais je ne suis pas certaine. Oui, je me souviens que tu étais venue faire un tour après avoir allumé les palmarès pour la première fois ensemble, oui. Tu étais venue au Mathieu Plante Show. C'est vrai, j'étais juste restée dans le studio puis je disais des niaiseries. Oui, tu faisais des réactions à chacune des affaires que je disais. Exactement. Ah, ouais. Oui, OK. Donc, Tania, la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est pour parler d'un jeu vidéo de course, donc ça a un lien avec la technologie comme mon émission et les chars, qui est ton émission qui me précède juste le mercredi. Ben oui, j'ai décidé de me me prendre pour une geek, puis une pro des jeux vidéo de course automobile, ma foi. Mais c'est parce que je suis tombée sur un article avant mon émission qui parlait de la sortie du nouveau jeu F1 2016. Je me suis dit, je peux pas passer à côté, puis ça fitterait tellement mieux dans le show à Mathieu Blonde que dans le mien. Alors voilà. Tout à fait. Est-ce que tu joues beaucoup à des jeux vidéo de voiture? Je vais t'avouer que je jouais beaucoup avant, quand j'avais une PS1. Une PS1 puis une PS2. Okay. Mais par la suite, non, je te dirais que c'est triste. Puis j'essaie d'en trouver pour PC ou du moins pour mon ordinateur. C'est quand même assez difficile. Mais là, si on sort F1 2016, je vais peut-être m'acheter une console. Ah ouais? Ouais. Ce serait assez pour te faire acheter quelque chose? Ah, je pense que ça serait assez, ouais. Bon, ben qu'est-ce qui est si intéressant dans ce nouveau jeu F1? Tout a l'air vraiment réel en passant. Là, il y a plusieurs photos sur le site Internet où j'ai trouvé tout ça. Ça sort le 19 août prochain. Ça fait le plein de nouveautés apparemment et ça retourne à certains concepts visuels qu'on recherchait dans les derniers F1, c'est-à-dire F1 2015. Apparemment que le F1 2015 n'a pas été super aimé parce qu'il manquait quelque chose qui était là avant. Alors de ce côté-là, on a dit de la part de Codemasters, qui est le programmeur du jeu vidéo, j'imagine, qu'on retournait vraiment à cette fameuse façon de faire les jeux vidéo-là qui était très, très aimée. Et aujourd'hui, le développeur britannique a vraiment indiqué que F1 2016 verrait le jour le 19 août prochain, mesdames et messieurs, soit un mois plus tard que son prédécesseur. L'année passée. C'est ça, exactement. Il était sorti au mois de juillet, mais il me semble que c'est mieux de le sortir plus tôt dans l'été. Si tu veux que les gens jouent à les jeux de course, ben il me semble que c'est le moment de l'année. Là. Puis si tu veux que les gens commencent à l'acheter pour peut-être les fêtes, ouais, aussi. C'est pas pire. Il va être disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Que les dernières consoles et les plus récents PC. Mais je pense que moi, j'ai Xbox One à la maison. T'as ça, toi? Je pense que oui. À moins tant qu'on mieux l'ait vendu, mais okay, j'espère qu'on l'a pas vendu. T'as pas contrôle sur les consoles qui sont présentes chez vous. Ben, tu vois, elles ne m'appartenaient pas. Elle appartenait à mon frère. Ah, elle me semble. Et voilà. Alors, en plus des vidéos publiées ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Europe, Codemasters a présenté son premier DLC qui va être le Care Booster Pack. C'est du contenu à télécharger pour le jeu. Oui, exactement. C'est intégré de base à l'édition limitée de jeu et ça va permettre aux joueurs impatients, on dit ça dans l'article, d'obtenir plus de récompenses lors des épreuves de recherche et développement, puis tout ça, et ainsi de développer plus rapidement leur monoplace. Donc, on y va vraiment quand même du côté technologie de la Formule 1, on garde cet aspect-là. Et je tiens à dire que les pilotes se ressemblent vraiment tous. C'est fou, c'est comme vraiment dans la vraie bien vie. Fait. Oui. OK, tu veux dire ressemblent à leur vraie face. Oui, exactement. Okay, je pensais qu'ils se ressemblaient tous. Comme tantôt, je pensais sur le terrain de l'exposition. Oui. Il y avait un chantier de construction, ils plaçaient du béton. Je regardais les gars, c'était comme, t'es pareil à lui. Vous êtes tous pareils. C'est vrai. La même bedaine, la même forme, avec les mêmes cheveux, la même couleur, avec la même peau, la même couleur. Oui. Tout pareil. T'as raison. Il y a un casque exclusif aussi pour le mode carrière qui va également être disponible pour F1 2016, sachez-le. Donc, c'est un casque de course. C'est ainsi un design différent de l'ordinateur portable utilisé dans ce mode de jeu-là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le 19 août prochain. Est-ce que tu fais des petits X sur ton calendrier? Je pense que j'ai commencé à faire des petits X sur le calendrier. Je vais t'avouer que quand j'étais plus jeune, j'aimais jouer à Gran Turismo. Ah, oh, j'aimais ça. Puis ça jouait surtout sur la première console PlayStation. Par la suite, je me suis défaite de ma console PlayStation. J'ai été vraiment triste. J'ai commencé à jouer à Tony Hawk. Aucun rapport. Ça, c'est même pas dans le même style. Mais le monde des jeux vidéo de course automobile, j'aime bien. T'as l'air du genre de fille qui aime les trucs réalistes dans les jeux vidéo de Ouais, vraiment. Moi, je suis plus genre à aimer les cartoons. J'aime pouvoir lancer des pots de bananes, des bombes, des... T'sais. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Même dans les films, j'ai de la difficulté à écouter des films d'animation. Okay. Je pense que ça fait quelques fois que je le dis, mais j'aime vraiment quelque chose qui a l'air réel. Et si vous regardez certaines photos de Formule 1 16, bien, les pistes sont vraiment super réelles et l'architecture autour aussi a l'air vraiment bien faite. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est comme un petit voyage en même temps que tu fais oui, de la course. Oui, exactement. Donc, F1, c'est ça juste le nom F1 2016? Oui, F1 2016, c'est juste ça. Ça sort donc au mois d'août. Merci Tania, on va t'écouter comme toujours à ton émission En piste avec Tania Baudin qui se passe tous les mercredis juste avant nous à 14h. Oui, puis en rediffusion les dimanches à 16h ou du moins après le bisboule. Après la bisbille. Le bisbille. Ce qui est fun avec ton émission, tu parles de la semaine précédente, de la fin de semaine précédente et de la fin de semaine qui s'en vient. Mm-hmm. Et là, on te rejoue en rediffusion le dimanche, les événements sont tous déjà passés. Exact. C'est vraiment là. C'est parfait. La programmation parfaite. Le pire, c'est que j'ai oublié de le dire dans mon émission. Alors, pour ceux qui nous écoutent encore, parce que j'ai dit de rester en onde, mais sachez-le, dimanche, 16h. Merci, t'es aussi celle qui fait que les gens restent en onde pour mon émission. Ah, ça fait plaisir. Absolument. Deux publics très différents, mais qui, j'espère, se rejoignent un peu. Oui. Un petit peu. Merci, Tania Baudin. Merci à toi. J'ai oublié de dire qu'on se retrouvait à Assemblage Requis aussi. Ben oui, c'est vrai. Mardi. Assemblage Requis, manquez pas ça. On est tout en nombre. Tout ensemble. Quelle équipe? Ben oui, je l'ai dit tantôt parce que là, je commence à être malade à cause de toi, Mathieu Plante. Ah oh ben, tu vois. C'est, ouais. Pourtant, j'ai fait exprès de prendre ma propre mousse de micro, mais je pense que ça passe au travail. Ouais. Ou la console. Mais je pense aussi que ça se peut que ça soit les allergies. Ah. C'est peut-être pas de ta faute. Tout en même temps, mais tu peux me donner une part du blâme, hein? Je suis là pour ça. Excellent. Donc, on retourne en musique chez tout avant de passer au Bloc Television Television. On s'en va entendre une pièce qui s'appelle Hopscotch 97. C'est par artiste VCMG tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show. Bonjour, c'est fou. C'était Vince Skychin avec Hopscotch 97 au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Television Television. C'est Television Television. l'objet de la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles. Depuis ces derniers jours, on commence par le Québec avec ma belle Julie Perrault qui va être en vedette dans la nouvelle sitcom Catastrophe. Elle va partager l'écran avec l'acteur Rossif Sutherland. Donc, Super Écran annonce sa nouvelle série originale intitulée Catastrophe. Le tournage aura lieu à Montréal en septembre et octobre prochain en vue d'une diffusion en février 2017. En plus de Julie Perrault et Sutherland, la série mettra en vedette Gilbert Sicotte, Christiane Paquier, Véronique Leflaguet, Patrick Yvon, Jean-Nicolas Véro, Daniel Parent et Sandra Dumaresque. L'histoire de Catastrophe commence par un one-night stand, une aventure supposée sans lendemain. Audrey, une Québécoise, donc Julie Perrault, et Franck, joué par Rossif Sutherland, un Américain francophile, vivent les 6 jours les plus intenses de leur vie. Quelques semaines plus tard, Franck reçoit un appel téléphonique d'Audrey et il apprend qu'elle est enceinte. Le couple décide de tenter l'expérience d'être parents ensemble, même s'ils se connaissent très peu. La production dont les répliques Vive, Rapide et Salace traitent de sexe, de fuite, d'angoisse et de passion porte sur le pouvoir de l'amour à changer les vies, celui qui surprend et qui fait oublier le gros bon sens. La réalisation a été confiée à Louise Archambault, qu'on connaît pour Gabriel et Familia. La sitcom est une adaptation d'un format éponyme distribué par Avalon Television Limited. Ça joue sur Amazon Prime Video aux États-Unis. Catastrophe. Très réputé, très apprécié de la critique. Donc une adaptation québécoise, Catastrophe. Toujours au Québec, j'en parlais en ouverture d'émission un petit peu de Musique Plus et Musimax. Commençons par Musique Plus, les dessous du Beach Club à l'automne. Oui, le Beach Club continue de faire des petits. Non seulement son émission remaniée se déplace des ondes de Z Télé vers Musique Plus, mais son propriétaire, Olivier Primo, débarque en ligne dans une docu-réalité Beach Day Everyday sur VTélé.ca. Le jeune millionnaire et son quotidien, donc sa famille, ses amis, ses voyages et son jet set sont au cœur de la web-série découpée en 26 capsules de 3 à 5 minutes où rien n'est stagé, nous dit-on. Ensuite, chaque mercredi à 21h, on le verra parfois aux côtés de vedettes internationales comme David Guetta et Paris Hilton, qu'il a fait venir dans son bar à ciel ouvert à Pointe-Calumet. Une sorte d'incroyable famille Kardashian, dit-on. Donc, ses coups fumants seront mis à l'avant, mais aussi les situations donnant plus de fil à retordre. On parie sur la force des réseaux sociaux pour faire de Beach Day Everyday la locomotive de Beach Club, le titre provisoire de l'émission déjà présentée à Z Télé avec Benoît Gagnon, qui s'installera dans une formule repensée dans la grille horaire de Musique Plus à compter du 29 août les jeudis soirs à 21h30. À la télé, on va lever le voile sur les dessous du Beach Club, les gardes du corps, les chicanes d'employés, les vedettes, les DJ internationaux et les barmaids sexy. Des moments olé-olé sont à prévoir dans les 13 émissions présentées dans un format de 30 minutes, mais pas trash, nous précise Olivier Primo. On verra pas de seins nus. Les deux projets sont produits par Dead City Studios, qu'on connaît pour 2,81 les dieux de la scène, ainsi que Belle et Bum. On va y aller avec l'autre nouvelle de Musimax. Les séries remplaceront la musique sur Musimax. En fait, il n'y avait plus déjà grand musique à Musimax. Là, j'ai regardé la grille horaire et comme j'ai dit en intro, il y avait les reprises d'un souper presque parfait, d'Opération Séduction, L'amour est dans le pré. Tout ce qui joue à V joue à Musimax. Tout sauf de la musique finalement. Donc, Richard Thérien du journal Le Soleil a appris que V changerait complètement d'image, de vocation et même de nom. Après la métamorphose de Musique Plus, groupe V Media s'attaquera à donner des airs de jeunesse à Musimax. L'annonce de la nouvelle vocation et du nouveau nom sera faite le 9 août prochain. Pour faire compétition à Série Plus de Corus et Addict TV du groupe TVA, V consacrera cette nouvelle chaîne aux séries télévisées. Les versions françaises de Lucifer, The X-Files, American Crime Story et Forever sont en mire des propriétaires. Musimax s'adressait principalement aux Baby Boomers. Et comme le rapporte Le Soleil, elle a vu ses parts de marché diminuer considérablement ces dernières années. On se rappelle, en décembre dernier, Musimax avait déjà licencié l'animateur vedette Claude Rajotte, ce qui était évidemment le premier signe. Peut-être pas le premier signe, un des premiers signes. Donc le logo de Musimax, qui depuis quelques années a un rond autour, un peu comme Musique Plus et un peu comme V. Mettons que tout le monde se ressemble dans ces familles-là. Et c'est moyennement bon. Quelqu'un me montre un message dans la fenêtre, mais je suis pas capable de voir ce qui est écrit dessus. Attends un peu. Bonjour, bonjour. Merci, bonjour, bonjour. C'est mes fans qui me disent bonjour. J'aurais aimé avoir un public en studio pour cette émission-là, mais bon, je vais m'applaudir tout seul comme un loser. On était rendu à parler de Moi et compagnie après avoir parlé de Musimax. Un nouveau docu-réalité sur l'obésité morbide s'en vient à Moi et compagnie. 6 personnes aux prises avec l'obésité morbide ont accepté de laisser entrer les caméras dans leur difficile quotidien et leur combat contre la perte de poids pour obèses changer de vie. Proposée à compter de l'automne sur les ondes de Moi et compagnie, la nouvelle série de docu-réalité les suivra avant, pendant et après leur chirurgie bariatrique. Leur parcours de plusieurs mois sera immortalisé à l'écran. L'univers de cette production s'articulera autour de Maryse Derèche qui doit se reconstruire physiquement, mais aussi psychologiquement après une grande opération qui l'a transformée. Cette docu-réalité pourrait bien permettre de changer les perceptions à l'égard de ceux et celles aux prises avec un important surplus de poids. Obèse, je cite ici, changer de vie, donne la parole à des personnes qui partagent leur parcours intime sur un sujet méconnu. Cette série nous amènera à mieux comprendre les différences et à combattre les préjugés. Produite par Tridome en collaboration avec Québécois Contenu, Obèse, changer de vie sera décliné en 10 épisodes de 30 minutes, réalisé par Maud Sabat. On va au théâtre un peu par la bande avec Hélène Florent qui est épuisée, qui abandonne la version théâtrale de La Galère. Maman d'un petit garçon de 7 mois, Hélène Florent a décidé de prendre du temps pour elle. Elle a abdiqué suite au conseil de ses proches. Après plusieurs semaines de répétition, la nouvelle maman a décidé de céder sa place à l'actrice Marie-Lise Bourque, qu'on connaissait pour Watatata, entre autres, sur scène pour interpréter le personnage de Stéphanie dans l'adaptation de la série télévisée La Galère. Anne Casabonne, Brigitte Lafleur et Geneviève Rochette sont présentement en répétition avec la nouvelle venue. L'abandon de Florent a forcé le rapport de la pièce d'une semaine, donc les représentations des 7, 8 et 9 juillet au théâtre Hector Charland à l'Assomption seront remises à des dates ultérieures. René-Claude Brazeau, qui a écrit la série, travaille également sur la pièce qui est mise en scène par André Robitaille. La tournée de La Galère s'arrêtera dans plusieurs villes du Québec au cours de la prochaine année. Déjà plus de 70 000 billets ont été vendus. Victor Lessard, une première série originale en 4K pour le Club Illico. Oui, le Club Illico qui a dévoilé récemment son nouveau projet télévisuel, l'adaptation de l'univers du maître du thriller québécois Martin Michaud. La nouvelle série porte le nom du personnage principal, les écrits de Michaud, donc Victor Lessard. La première saison s'intitulera « Je me souviens », l'un des romans à succès de Martin Michaud qui a vendu près de 200 000 livres au Québec et en Europe francophone. Synopsis, je le lis ici textuellement. Enquêteur rebelle à l'autorité, mais hautement moral, le sergent-détective Victor Lessard mène en compagnie de sa colorée coéquipière Jacinthe Taillon l'enquête sur la mort d'un homme et d'une femme retrouvés le cou transpercé par ce qui semble être un instrument de torture du Moyen-Âge. Lessard est de retour dans sa fonction après une mission qui a mal tourné et la série de meurtres ritualisés qu'il a tenté d'élucider le confrontera violemment à son propre passé. Victor Lessard devient la première série originale de Club Illico adaptée d'une œuvre littéraire et est également la première série québécoise à être entièrement tournée en ultra haute définition 4K et disponible sur un service de vidéo sur demande par abonnement. Patrice Robitaille et Julie Le Breton seront les têtes d'affiche de ce nouveau projet ambitieux. Patrice Sauvé réalisera les 10 épisodes d'une heure scénarisés par Martin Michaud en collaboration avec Frédéric Ouellet et Michel Allen. Le titre sera offert en 2017 en intégralité et en exclusivité à tous les abonnés du Club Illico du Québec et de l'Ontario. Le Québec s'illustre aux Rocky Awards maintenant. Deux séries québécoises se sont illustrées aux Rocky Awards du Banff World Media Festival, qui souligne l'excellence en télévision et en contenu numérique. En compétition contre The Big Bang Theory dans la catégorie de la meilleure comédie, Mon ex à moi a remporté les honneurs, alors que Pour Sarah a décroché le Rocky Award pour la meilleure émission francophone. Également finaliste, Blue Moon et 30 vies n'ont pas eu la même chance contre Grey's Anatomy. Le Banff World Media Festival se tient jusqu'à demain, le 20... C'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Non, c'était jeudi passé. En Alberta, un total de 20 pays étaient représentés par 132 productions en compétition. On va à l'international maintenant, mais en passant par le Québec, avec la version italienne de Vol 920 qui fait parler d'elle. Les Italiens et les Italiennes sont de plus en plus nombreux à se masser devant leur... Tout à l'heure sexuel dit comme ça, devant leur écran chaque semaine afin de regarder Flight 616, l'adaptation de la télé-réalité québécoise Vol 920 diffusée par Italiano. Donc la séduction opère surtout auprès d'un public âgé de 25 à 34 ans. C'est ainsi que l'émission animée par Paola Barral, qui suit 8 garçons et 8 filles plongés dans des épreuves diverses, dépasse l'auditoire moyen de la chaîne. Le succès de Flight 616 est lié à la qualité des productions d'ici, selon France Lausière. Je cite, cela démontre avec force la capacité des idées et des formats québécois de rayonner avec succès partout dans le monde. Évidemment, ça n'a pas eu assez de succès pour durer bien longtemps à TVA. Hein? Donc, après 2 saisons à l'antenne de TVA, l'aventure s'est conclue en décembre dernier. La popularité de Flight 616 en Italie pourrait être le présage d'un bel avenir pour Vol 920 à l'étranger. L'engouement pour Flight 616 en Italie permet d'ailleurs aux producteurs d'espérer le succès d'adaptation de Vol 920 en France et en Espagne, où des ententes d'options ont déjà été conclues. Pour regarder les extraits de Flight 616, il faut aller voir le site de l'émission. Le lien est sur assemblagerequis.com. On va au Canada. Le CRTC impose des seuils de nouvelles locales aux télédiffuseurs. Après des années de compression et de réduction de temps d'antenne, la programmation et l'information locale à la télévision se voient donner un peu d'oxygène par les autorités réglementaires. Le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a en effet annoncé qu'il imposera de nouveaux seuils minimaux de nouvelles locales donc aux télédiffuseurs et lance une consultation à cet effet dès maintenant, en vue d'audience publique en novembre. Les décisions sur d'éventuels nouveaux seuils d'information locale seront connues au moment du renouvellement des licences des diffuseurs privés. Le CRTC note que l'émergence de nouvelles technologies a facilité l'accès aux actualités provenant d'ici et d'ailleurs. Mais il reconnaît du même souffle que les nouveaux médias n'ont ni les ressources ni l'expertise requises pour remplacer les nouvelles locales traditionnelles. Or, les télédiffuseurs qui ont cette expertise ont vu leur revenu de publicité péricliter au profit de ces nouveaux joueurs et ont conséquemment réduit la production et l'information locale. La directrice du Centre d'études des médias et professeure de journalisme à l'Université Laval, Colette Brin, estime qu'il est plus que temps d'investir. Je cite, « Il y a une diminution des ressources accordées à l'information locale. Certaines communautés sont vraiment plus affectées que d'autres, tous médias confondus, et on sait que les revenus des médias baissent. » Dès maintenant, toutefois, le CRTC permet aux grands distributeurs privés comme Vidéotron de cesser de financer une télé communautaire à Montréal où l'on juge l'offre locale suffisante et de réduire de moitié le financement de ces télé communautaires dans les autres villes pour réorienter l'argent vers la production d'informations locales dans les antennes de TVA en région. Je cite, on permet aux grands groupes qui ont à la fois un distributeur et des stations locales de prendre l'argent alloué à leur canal communautaire pour le mettre dans vos stations locales commerciales. Dans les grandes villes de plus d'un million comme Montréal, les citoyens sont déjà très bien desservis en programmation locale, disent-ils. Donc le conseil permet aux distributeurs, de complètement réorienter l'argent à leur station locale. Dans les villes de moins grande taille, le conseil a jugé que les stations communautaires servent au reflet local. Ce sont souvent seulement des stations communautaires qui couvrent le conseil municipal, par exemple. Donc, le conseil a seulement permis la réallocation de la moitié des fonds de ces stations. Le CRTC évalue à près de 67 millions les ressources qui seront ainsi libérées à travers le Canada. Par ailleurs, le conseil annonce la création d'un fonds pour les nouvelles locales indépendantes qui mettra quelque 23 millions à la disposition des stations indépendantes pour la production de nouvelles locales. Au Québec, ce fonds appuiera les opérateurs indépendants VTD, RNC Média et Télé-Intérieve à Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Rivière-du-Loup et Carleton. Cet ajout de fonds servira aussi à déterminer le seuil minimum de nouvelles qui seront requises des télédiffuseurs locaux. Je cite, il y aura une discussion à l'audience de renouvellement des licences avec les diffuseurs pour voir à la lumière de leur niveau historique, mais aussi à la lumière des nouvelles ressources que le conseil annonce, quelles vont être les exigences futures. Du côté des télés communautaires indépendantes, le CRTC maintient le modèle actuel d'hébergement par les câbles aux distributeurs qu'il qualifie de succès, mais il impose de nouvelles mesures pour assurer une programmation en contenu local et faire en sorte que la plus grande partie du financement soit dirigée vers la production plutôt que vers des coûts de fonctionnement. Madame Colette Brin de tantôt salue l'initiative du CRTC, mais se garde une bonne petite dose de scepticisme à aller voir les informations de ces citations sur assemblagerequis.com. Mais pour l'instant, le CRTC maintient à 5 heures par semaine la programmation locale exigée des télédiffuseurs en région, mais cette norme sera sujette à révision lors du renouvellement des licences des télédiffuseurs. De leur côté, les stations de langue anglaise devront diffuser au moins 7 heures de programmation locale dans les marchés régionaux et 14 heures par semaine dans les marchés métropolitains, dont Montréal. Pourtant, selon l'organisme, la moyenne hebdomadaire d'heures d'écoute des nouvelles canadiennes est de plus de 28% du total d'heures d'écoute chez les francophones et de plus de 23% chez les anglophones. Le CRTC a publié un avis de consultation qui déclenche le processus de renouvellement de licences de télévision détenues par les grands groupes de propriété. L'audience publique pour examiner les demandes des groupes de langue française, soit Bell, Corus, Québécois et Groupe V, aura lieu à partir du 22 novembre 2016 à Laval. On reste au Canada. La compositrice du thème de la soirée du hockey sera honorée. Le célèbre thème musical de la soirée du hockey et de Hockey Night in Canada, diffusé à Radio-Canada et CBC, seront honorés à l'occasion des 27e Prix Soccer Awards à Toronto. Ça se passait donc lundi qui vient de se passer, donc le 20. Oui, 20 juin. Donc, la compositrice et pianiste Dolores Claman, qui a écrit The Hockey Theme en 1968, recevra le prix Empreinte culturelle. A reçu, hein, faut mettre ça au passé. Donc, Mme Claman fait partie des nombreux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui ont été récompensés durant la soirée qui se déroulait au Sheraton Center Toronto Hotel, animé par Dave Bedini, l'un des membres fondateurs du groupe Rio Statics. Parmi les lauréats figuraient aussi le chanteur, compositeur et DJ ontarien d'origine éthiopienne The Weeknd, le rappeur canado-palestinien Ahmad Peli Balch, le chanteur country d'origine écossaise Johnny Reed, le mécène torontois Gary Slate et la jeune reine de la pop Alessia Cara. À la cérémonie des Socan Awards est le pendant anglophone du Gala de la Socan à Montréal. Toujours au sujet du hockey, Ron McLean affirme que rien n'est officiel. Pourquoi? Eh bien, on en parle. Donc, Ron McLean affirme que rien n'est officiel à la suite d'un texte du Toronto Star qui rapportait qu'il s'apprêtait à remplacer George Stroblopoulos en tant qu'animateur de Hockey Night in Canada dès l'an prochain. Le vétéran animateur dit qu'il y a quelques rumeurs et des choses comme ça, mais que rien n'est officiel jusqu'à ce que les dirigeants de Sportsnet, Scott Moore et Rob Court, l'annoncent officiellement. En citant des sources de l'industrie, le Star a rapporté que McLean retrouverait sa chaise d'animateur, un poste qu'il a occupé pendant près de 30 ans. Une porte-parole de Sportsnet n'a pas voulu émettre de commentaires. Sean Blopolis est devenu l'animateur de Hockey Night in Canada en 2014 après que Rogers eut acquis les droits de télédiffusion de la LNH grâce à une entente de 12 ans et 5,2 milliards de dollars. McLean a vu son rôle être réduit à être l'acolyte de Don Cherry lors des interventions de Coach's Corner et a animé l'émission du dimanche Hometown Hockey. Au cours d'une entrevue avec la presse canadienne, McLean a dit qu'il se concentrerait sur ces deux postes pour le moment. Moore, le président de Sportsnet et des propriétés de la LNH, a avancé plutôt ce mois-ci qu'il pourrait y avoir des changements à la suite des codes d'écoute décevantes lors des plus récentes séries éliminatoires. Les codes d'écoute ont glissé sous la marque du million pour plusieurs matchs au début de la série qui ne mettaient en vedette aucune équipe canadienne. Même si les chiffres ont été meilleurs pour la finale, ils étaient tout de même inférieurs à ceux de l'an dernier. Rogers a revampé la couverture du hockey depuis qu'elle a pris les rênes de la CBC. La décision de remplacer McLean par Strumbleopoulos avait été controversée puisque plusieurs percevaient ce dernier comme un intrus. Strumbleopoulos est sous contrat pour 5 ans tandis que McLean est au milieu d'une entente de 4 ans. Le contrat de Don Cherry, on disait la semaine passée, a été prolongé pour plusieurs années plus tôt, donc ce mois-ci. Strumbleopoulos, qui est toujours sous contrat, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut toujours briser un contrat. Il y a toujours une façon de racheter ces choses-là. Donc, d'après moi, ça ne devrait pas être un bâton trop dans les roues, à moins qu'ils échangent le rôle de McLean avec celui de Strumbo. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Maintenant, on va aux États-Unis où Guillermo del Toro dévoile sa série animée Trollhunters. Le réalisateur et producteur mexicain Guillermo del Toro a déclaré sa flamme au cinéma d'animation en dévoilant lors d'une classe de maître en France des séquences inédites de Trollhunters, son nouveau projet de série animée. L'animation est un média, pas un genre, dit-il. C'est la plus belle et ultime des formes de contrôle de la création. Devant une salle comble, le cinéaste a présenté le scénario de Trollhunters, son projet de série d'animation diffusé à partir de décembre prochain sur Netflix et imaginé à l'origine pour une trilogie de longs métrages. Trollhunters raconte l'histoire de Jim, un jeune lycéen d'une petite ville de Californie kidnappé un soir dans sa chambre par une mystérieuse créature de 45 ans après son oncle disparu alors de façon inexpliquée. Adapté de la série de livres fantastiques du même nom qu'il a écrite avec Daniel Krause, Trollhunters a été produit par DreamWorks et Netflix. Pour optimiser son travail, le réalisateur a créé une bulle de liberté et de créativité autour des animateurs. Trollhunters repose sur une idée qui infuse nombreux de ses films, celle que derrière notre monde s'en cache un autre plus beau et plus mystérieux encore, dit-il. Le cinéaste est également revenu sur sa passion précoce pour l'animation et sur ses débuts laborieux avec les effets spéciaux, rappelant qu'on lui avait dit plus d'une fois qu'il n'était pas très bon mais bosseur. Comparant l'animation à la prise de vue réelle, le réalisateur a estimé qu'il permettait un contrôle total, là où diriger des acteurs sur un plateau classique revient à aller à la chasse aux papillons. Et d'ajouter qu'il avait appris à dire non lors de son unique expérience à Hollywood, il dit « Là-bas, il faut être ferme dès le début pour garder la main sur son travail ». Le festival d'animation Annecy est un des grands rendez-vous mondiaux du secteur et pour cette édition du 13 au 18 juin dernier, 230 films étaient en compétition et en parallèle se tenait un marché international du film d'animation, le MIFA. On reste dans les dessins animés avec une série animée basée sur SOS Fantôme ou Ghostbusters en préparation. Sony Pictures n'a pas l'intention de laisser une minute de répit à ses enquêteurs paranormaux. Alors que la nouvelle version féminine de Ghostbusters sortira cet été, la société de production annonce désormais l'arrivée d'une série télé animée. Nommée Ghostbusters Ecto Force, cette série animée sera mise en scène par Ivan Reitman, le réalisateur du film d'origine, et suivra une toute nouvelle génération de chasseurs de fantômes qui évolueront en 2050. La série pourrait débarquer dès début 2018. Dirigé par Paul Feig, le nouveau long-métrage 100% féminin de SOS Fantômes sortira dans les salles le 15 juillet prochain. On reste dans les dessins animés, encore une fois, avec une série télé basée sur Hotel Transylvania. Nelvana, qui appartient à Corus Entertainment, l'un des principaux producteurs et distributeurs de contenu animé pour enfants dans le monde, et Sony Pictures Animation ont annoncé avoir autorisé la diffusion mondiale de la nouvelle série animée Hotel Transylvania The Television Series à Disney Channel Worldwide. Produite par Nelvana Studio à Toronto, la série de 26x22 minutes basée sur la franchise de films à succès de Sony Pictures Animation qui a déjà rapporté plus de 820 millions de dollars dans les salles à l'échelle mondiale devrait être diffusée sur Disney Channel aux États-Unis, en Europe, sauf pour l'Allemagne, en Amérique latine, en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Moyen-Orient et Asie en 2017. Au Canada, la série va rouler à travers les plateformes de Disney Channel de Corus Entertainment. Donc, Hotel Transylvania, The Television Series, se concentre sur les années d'adolescence de la fille de Dracula, Mavis, et ses trois amis les plus proches, Hank Einstein, Pedro et Wendy Blob. Alors que Dracula est absent pour assister à la rencontre Official Vampire Business, Mavis doit voir enfin sa chance de montrer à son père ce qu'elle peut faire. Avec l'aide de ses amis, elle décide de mettre ses idées brillantes à exécution afin de faire bouger l'hôtel, mais arrive tante Lydia, la sœur aînée et beaucoup plus méchante de Dracula. Alors que Mavis et ses amis sont prêts à se laisser aller et avoir du plaisir, tant que Lydia pousse Lydia veut encore plus d'or et de tradition à l'hôtel. Donc, Sony Pictures Television est le distributeur aux États-Unis, tandis que Nelvana Enterprises est le distributeur de Hotel Transylvania, de television series à l'extérieur des États-Unis. Nicole Kidman va jouer dans la série Tilly Top of the Lake. 20 ans après Portrait de femme, Nicole Kidman tourne à nouveau sous la direction de la réalisatrice néo-zélandaise Jean Campion. L'actrice est arrivée sur le tournage de la série Top of the Lake, mais aucun détail sur son rôle n'a été donné. Elle donne la réplique à Elizabeth Moss, qu'on connaît pour Mad Men, l'héroïne de la première saison qui retrouve son personnage du détective Robin Griffin, rôle qui lui a valu en 2014 un Golden Globe. 4 ans après les événements de la première salve, son enquête se portera sur un corps non identifié retrouvé sur la plage de Bondi à Sydney. La deuxième saison sera diffusée à une date encore inconnue sur la BBC 2 en Angleterre et sur Sundance TV et Hulu aux États-Unis. Maintenant, James Cameron est à la recherche de l'Atlantide. La chaîne américaine National Geographic Channel diffusera un documentaire produit par James Cameron qui tentera de percer les mystères de l'Atlantide. Search for Atlantis se présentera sous la forme de documentaire de 2 heures qui explorera de récentes théories sur l'existence de cette île qui aurait été engloutie sous les flots au large de la Grèce. Le tournage qui débutera prochainement se promènera en Sicile, à Malte, en Crète, en Sardaigne et à Santorin. Fasciné par ce mythe, le réalisateur du film Avatar a déjà produit plusieurs documentaires pour la chaîne spécialisée, dont Ghost of the Abyss, qui revenait sur le naufrage du Titanic. Un roman de Margaret Atwood sera adapté à la télé. Une série inspirée du roman Alias Grace de l'écrivaine canadienne Margaret Atwood sera diffusée par la CBC et sur le site de vidéos en ligne Netflix. La réalisatrice Sarah Polley scénarisera et produira la série de 6 heures. Le tournage en Ontario commencera au mois d'août et sera dirigé par la réalisatrice Mary Harron. Alias Grace raconte l'histoire véritable de Grace Marks, une domestique d'origine irlandaise dans le Haut-Canada. Grace Marks et le valet d'écurie James McDermott avaient été reconnus coupables du meurtre de leur employeur Thomas Kinnear et de sa gouvernante Nancy Montgomery en 1843. McDermott a été pendu tandis que Marks avait été condamné à la prison à vie. Après avoir passé 30 ans derrière les barreaux, elle avait finalement été innocentée. Sarah Polley a dit avoir lu Alias Grace plusieurs fois dans les dernières 20 années. Grace Marks, c'est telle que vue par Margaret Atwood, est le personnage le plus complexe et captivant qu'elle a jamais lu, dit-elle. Elle est heureuse que Mary Erin ait accepté de participer au projet. NBC, tiens, c'est drôle, il y a les Jeux olympiques du Brésil qui s'en viennent dans pas trop longtemps, au milieu de l'été, et il y a des employés de NBC qui refusent de s'y présenter à cause du virus du Zika. Donc NBC prévoit couvrir les Olympiques de chaque angle, mais moins de gens vont pouvoir participer en fait. C'est le New York Daily News qui nous dit que certains employés de la NBC refusent de voyager jusqu'à Rio de Janeiro pour travailler sur la diffusion olympique du réseau, ayant peur de se faire infecter par le virus du Zika. C'est très simple, je cite, c'est très simple. J'ai une famille, j'ai de petits-enfants et pour moi, au moins, le voyage est trop risqué. Je pourrais vouloir tomber enceinte bientôt, nous dit une personne anonyme. Cette personne anonyme fait partie d'une grosse poignée de personnes qui ne veulent pas voyager au Brésil pour NBC. Le réseau envoie plus de 2000 personnes dans le pays de l'Amérique du Sud pour couvrir les Olympiques, dont des talents de très haut calibre comme les animateurs du Today Show, Matt Lauer, l'animatrice remplaçante Meredith Vieira et la co-animatrice officielle Savannah Guthrie. Justement, Savannah Guthrie a décidé de ne pas y aller. Elle fait partie du groupe qui n'ira pas. Le Brésil est bien sûr au centre de l'épidémie du Zika. Il y a aussi plusieurs athlètes, dont Rory McIlroy, qui pourraient sauter les Olympiques. Bientôt une série sur les derniers jours de Michael Jackson. J.J. Abrams va faire équipe avec l'auteur et entrepreneur Tavis Smiley le temps d'une mini-série télévisée centrée sur les derniers moments de Michael Jackson, selon The Hollywood Reporter. Cette série événement sera basée sur l'ouvrage Before You Judge Me, The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days. La sortie est prévue le 21 juin, donc hier, pour les auditeurs du mercredi. Aux éditions Little Brown & Company. Co-écrit par David Ritz et Tavis Smiley, le livre revient sur les derniers moments de la vie de Michael Jackson avec ses hauts et ses bas, et notamment son combat pour préserver sa vie privée et les pressions subies au quotidien. J.J. Abrams a d'autres projets en cours pour la télé, dont Westworld avec Anthony Hopkins. Le premier épisode sera diffusé en octobre prochain. On va à l'international maintenant, les experts et la série la plus regardée au monde. CSI Les Experts a décroché le prix de l'audience TV internationale, récompense remise lors du Festival de télévision de Monte Carlo qui s'est achevé le 16 juin dernier. Avec 44,6 millions de fidèles répartis sur les quatre coins du globe en 2015, la série de CBS a battu Esprit criminel et The Flash et repris son titre à NCIS gagnant de l'année dernière. Du côté des comédies, c'est bien sûr The Big Bang Theory qui retrouve également sa place de leader avec 43,6 millions de téléspectateurs. Modern Family, vainqueur l'année dernière, et Mon Oncle Charlie, Two and a Half Men était également sur les rangs. Modern Family, c'est une famille moderne. Esprit criminel, c'est Criminal Minds. Et The Flash, c'est juste Flash. Ricky Gervais revisite The Office pour Netflix. Oui, on en parle depuis des mois de ce retour, de ce film pour The Office. Ricky Gervais qui revisite The Office dans un film qui va être diffusé au Canada sur Netflix. Le service a annoncé avoir acquis les droits du film dans lequel Ricky Gervais reprendra son rôle du détestable patron David Brent qui avait été joué au Québec par Antoine Vézina dans la série La Job. Dans David Brent Life on the Road, un documentariste retrouve l'ancien patron 12 ans après The Office. David Brent est maintenant un vendeur itinérant qui tente de réaliser ses rêves de rock'n'roll avec son groupe Foregone Conclusion. Le film sera présenté en première sur Netflix dans la majorité des pays l'an prochain, mais bénéficiera quand même d'une sortie en salle au mois d'août au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, sûrement les pays où The Office UK est le plus populaire. On va sur Internet, toujours, en fait, on reste sur Internet. On était comme à mi-chemin entre l'international et l'Internet dans la dernière nouvelle. Donc, Netflix analyse les habitudes télévisuelles de ses membres. Le terme « gavage télévisuel » ou encore « binge-watching » n'est pas du tout exagéré lorsqu'il est question de l'utilisation de Netflix. Dans sa première étude des habitudes télévisuelles de ses membres, Netflix a découvert qu'en moyenne, les personnes qui ont regardé toute la première saison d'une série l'ont fait en une semaine en regardant un peu plus de 2 heures de télé par jour. La vice-présidente au contenu original de Netflix, Cindy Holland, a expliqué en entrevue que lorsqu'on donne aux spectateurs le contrôle de la vitesse à laquelle ils regardent leur série favorite, ils ont tendance à le faire rapidement. Ben justement, il pourrait peut-être nous permettre de regarder les émissions à 1.2 de vitesse à la place ou 1.5. Je regarderai quand même plusieurs émissions en accéléré comme ça, pour sauver du temps. La durée de leur gavage dépend cependant du type d'émission. Les séries regardées pendant plus de 2 heures par jour ont été identifiées dans l'étude comme étant dévorées. Les séries haletantes, oui, notamment celles de science-fiction ou d'horreur, et les séries de suspense comme The Walking Dead, Sense8 et The Fall étaient incluses dans cette catégorie. The Fall a été la série la plus dévorée dans le monde. En moyenne, les saisons des séries dans la catégorie dévorées étaient regardées en 4 jours pour un total de 2h30 par jour. Les séries regardées en rafale, mais pendant moins de 2 heures par jour, étaient considérées comme étant savourées. Elles incluaient donc les drames complexes comme House of Cards et Narcos, qui a été la série la plus savourée au Canada. Les comédies révérencieuses ont aussi tendance à être savourées, notamment Love, Unbreakable Kimmy Schmidt et BoJack Horseman, qui a été la série la plus savourée dans le monde. Ça me surprend, c'est un dessin animé. En moyenne, les saisons des séries de la catégorie savourées étaient regardées en 6 jours, à raison de 1h45 par jour. L'étude de Netflix comporte également une catégorie médiane, incluant des séries regardées en 5 jours en moyenne, à raison de 2h10 par jour. On retrouve dans cette série des drames criminels comme Bloodline et des comédies dramatiques comme Orange is the New Black. L'étude a examiné le visionnement de la première saison de plus de 100 séries télévisées dans plus de 190 pays, entre octobre 2015 et mai 2016. Nous voilà arrivés à la conclusion de notre television préférée. On retourne en chiptune, je vais dire en sitcom. On retourne pas en sitcom du tout, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir écouter des sitcoms avec vous à la radio, mais apparemment qu'on n'a pas le droit. Hein? Donc voici l'artiste Nicolas et la pièce Rock Boy. MPS, le Mathieu Plante Show sur ses fous. Hors-piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. La pièce No Time, mon Mathieu Plancho. Avant ça, c'était Rock Boy par Nicolas. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec un petit peu de science médicinale avec un pancréas artificiel à l'étude pour des diabétiques. C'est une innovation qui pourrait changer la vie des diabétiques. Un pancréas artificiel actuellement testé par 45 malades dans 9 hôpitaux en France injecte à leur place en temps réel la bonne dose d'insuline calculée par un téléphone intelligent via un algorithme très complexe. Le système s'appelle Diabloop, associe donc trois appareils reliés entre eux par Bluetooth, une pompe à insuline et un capteur de glycémie placé sur la peau, tous deux déjà couramment utilisés par des millions de malades dans le monde, et un téléphone Android équipé d'une application spécifique. À terme, le téléphone pourra transmettre en permanence les données du patient à un centre de télémédecine. Ainsi équipés, les diabétiques de type 1, donc les insulinodépendants, n'ont plus à se livrer à de savants calculs pour déterminer leur dose d'insuline, qui varie beaucoup en fonction des repas, de l'activité physique, du stress et des heures de la journée. Ils sont aussi davantage à l'abri d'épisodes d'hypo ou d'hyperglycémie, comme le manque ou l'excès de sucre dans le sang. Le logiciel repose sur un algorithme hyper complexe de 13 équations à 13 inconnues, détaille donc un des ingénieurs qui a développé l'application. L'idée, c'est de calculer en permanence et par anticipation le taux de sucre que le patient aura dans deux heures afin de déterminer de quelle quantité d'insuline il a besoin tout de suite. Le logiciel est capable de s'améliorer lui-même. Au fil des jours, il affine ses calculs pour mieux s'adapter aux patients et parvenir ainsi à un meilleur résultat. Le patient délègue à l'appareil l'essentiel de la gestion de sa maladie. Il doit seulement préciser au logiciel quelle quantité de glucides il a mangé, ainsi que son activité physique. Le logiciel, qui donne de relativement bons résultats, entre guillemets, va changer la vie des patients en diminuant leurs contraintes, dit une diabétologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il sera prochainement testé pendant 3 mois à domicile, cette fois par un nouveau groupe de 100 malades. À l'échelle de la planète, on compte 25 millions de diabétiques et insulino-dépendants. Plus de 15 équipes de recherche travaillent sur des projets de modélisation mathématique plus ou moins similaires. On essaie de trouver une solution à ça. Peut-être un pas vers l'avant. Maintenant, le smartphone transforme la main humaine. D'après l'étude britannique, 5% de la population aurait un pouce plus gros que l'autre à l'usage du smartphone. Les jeunes sont les plus touchés par cette transformation du corps plutôt rapide. Ah, c'est peut-être dû à un usage donc que vous faites de votre smartphone. S'il a fallu des millions d'années pour évoluer vers le corps que nous avons aujourd'hui, une décennie aura suffi pour transformer les doigts de la main à cause de l'usage intensif du smartphone. C'est ce que suggère un rapport réalisé par l'entreprise de téléphonie O2 au Royaume-Uni, le O2 Mobile Life Report, qui a enquêté auprès de 2000 personnes. Ce rapport fait partie d'une campagne de la société qui cherche à mieux comprendre les relations entre les consommateurs et leur smartphone. La population passerait en moyenne 2 heures par jour à utiliser son téléphone. Conséquence, des évolutions sont apparues sur les doigts de la main. Le pouce qui travaille le plus peut devenir jusqu'à 15% plus gros. Une personne sur 8, donc 13% des 18-34 ans, aurait développé cette difformité en tapotant sur son téléphone, un appareil dont la taille a sensiblement augmenté ces dernières années. 8% des Britanniques auraient ainsi développé un creux ou une courbe au niveau des petits doigts, donc auriculaires, à cause de la façon dont ils tiennent leur téléphone. En tout, un tiers des utilisateurs de smartphones pensent que leur corps a évolué à cause de leur utilisation de téléphone portable et 37% de la population pense que le corps va continuer à s'adapter aux outils de la téléphonie. Pour Nicolas Goldsmith, spécialisé dans la thérapie de la main, je cite, « Nos muscles du pouce sont très complexes et situés dans la base du pouce ainsi que de l'avant-bras, de sorte qu'une augmentation du mouvement de balayage du pouce peut ajouter de la force musculaire et du volume dans ses muscles. Comme le montre la recherche, donc, ces changements localisés tels que les pouces agrandis et les creux des petits doigts deviennent la nouvelle norme, car les jeunes et les adultes utilisent leur téléphone pour de plus longues périodes qu'avant. » Mais d'après elle, les pouces ne risquent pas de devenir géants non plus car il y aura de plus en plus de technologies de reconnaissance vocale à l'avenir. Le rapport apporte aussi des informations intéressantes sur la place que le smartphone a prise dans la société. Ainsi, 19% des personnes ne pourraient pas se passer du smartphone pendant une journée et 20% ont admis s'être déjà endormis avec leur téléphone à la main. 5% des utilisateurs seraient tellement attachés à leur appareil qu'ils ressentiraient des vibrations fantômes. Je pense qu'on a déjà tous vécu ça. 15% pensent aussi que leur téléphone leur permettra de vivre plus longtemps et ce pourcentage atteint même 27% chez les 18-34 ans. Ce gain serait le bénéfice des applications de fitness disponibles sur téléphone intelligent que 30% de la population utiliserait. Comment réduire le stress? Tiens, justement, on parle de téléphone cellulaire qui nous stresse pas mal avec la surcharge d'informations. L'art-thérapie est utilisée pour réduire le stress, quel que soit le niveau artistique de l'individu. Des chercheurs américains ont prouvé que la pratique d'une activité artistique permet effectivement de réduire le taux d'une hormone du stress qui est le cortisol. Faire du coloriage, du dessin, du modelage ou du collage peut-il réduire les symptômes de l'anxiété? Des chercheurs américains de l'Université de Drexel ont cherché à comprendre si pratiquer l'art sous différentes formes pouvait faire baisser les niveaux de cortisol dans le corps, l'hormone du stress. Pour les besoins de l'étude, 39 personnes âgées de 18 à 59 ans ont participé à des activités artistiques lors d'une séance de 45 minutes. Leur taux de cortisol a été relevé pendant et après la session via des prélèvements de salive. Des marqueurs et du papier, de l'argile et du matériel de collage ont été mis à la disposition des participants. L'art thérapeute encadrant la séance a laissé volontairement le déroulé de l'expérience le plus libre possible pour que les artistes puissent suivre leurs envies. À l'issue de l'expérience, les chercheurs ont constaté que 75% des pratiquants avaient vu leur taux de cortisol baisser. Les résultats n'ont montré aucune corrélation entre les taux affichés et les expériences passées artistiques ou à des niveaux dits inférieurs. D'après les témoignages recueillis, la plupart des patients ont trouvé le test très relaxant avec un niveau d'anxiété qui a baissé dès les 5 premières minutes pour certains. D'autres ont déclaré être moins hantés par des pensées parasites et aussi une capacité à mettre les choses en perspective. Cependant, environ 25% des participants ont enregistré des niveaux de plus élevés de cortisol. Les chercheurs expliquent ce phénomène par l'état d'éveil accru suscité par le fait de créer et un niveau d'engagement et d'implication plus élevé. Un autre facteur qui pourrait jouer aussi, le type d'activité. Dessiner et malaxer de l'argile seraient des activités plus relaxantes qu'assembler des collages. L'idée est désormais de prolonger cette étude pour explorer si l'expression artistique peut aider à réduire le stress, améliorer le bien-être physiologique et la santé physique dans un environnement thérapeutique avec la mesure d'autres biomarqueurs comme l'oxytocine, l'hormone de l'attachement, comme les arts visuels notamment peuvent bénéficier aux patients en fin de vie et à leur... comment les arts visuels notamment peuvent bénéficier aux patients en fin de vie et à leur personnel soignant. L'étude a été publiée dans la revue Art Therapy. Peut-être avez-vous besoin de cheveux, peut-être manquez-vous un petit peu de cheveux en arrière. Ma coiffeuse me dit à chaque fois que je vais me faire couper les cheveux, il y a un petit rond là qu'il faudra s'en occuper. Donc on pourrait peut-être s'imprimer les cheveux plus tard. Il y a quelques années seulement, l'impression 3D était cantonnée à la production de prototypes. Aujourd'hui, elle permet d'obtenir toutes sortes de produits et de plus grâce à une nouvelle approche développée par des chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT, il sera possible bientôt d'imprimer des cheveux. D'une voiture à de la nourriture comestible en passant par de la peau humaine, rien ne semble plus aujourd'hui hors de portée de l'impression 3D. Rien sauf peut-être ces structures très particulières, car composées d'une grande quantité d'éléments très fins que sont les chevelures ou les fourrures. En effet, jusqu'à présent, pour être conçue puis imprimée, celle-ci requérait des puissances et des temps de calcul bien trop importants. Cependant, les chercheurs du MIT proposent aujourd'hui un nouveau logiciel baptisé Cilia, capable de modéliser rapidement et efficacement et d'imprimer ensuite tout simplement des milliers de cheveux. Avec les logiciels classiques, imprimer des cheveux serait fastidieux. Cela reviendrait à modéliser individuellement chacun des poils avant d'envoyer ces données à un logiciel dit de tranchage. Celui-ci représenterait alors le contour de chaque cheveu comme un maillage de minuscules triangles. Le logiciel créerait ensuite des sections horizontales qu'il traduirait finalement en pixels destinés à être imprimés couche par couche. Pour imprimer 6000 cheveux seulement sur la surface d'un timbre poste, il faudrait plusieurs heures de traitement. Avec Cilia, il ne reste plus à l'utilisateur qu'à entrer en quelques minutes l'angle, l'épaisseur, la densité et la longueur des cheveux désirés. Pour faire preuve de l'efficacité de leur logiciel, les chercheurs du MIT ont imprimé des cheveux de 50 microns d'épaisseur, une dimension semblable à celle de cheveux humains. En faisant varier les paramètres, ils ont pu produire toute une palette de cheveux allant du poil le plus grossier à la fourrure la plus fine, fixée à des surfaces planes mais aussi courbes. Pour arriver à leur fin, les chercheurs du MIT ont adopté une approche totalement innovante. Ils ont choisi de modéliser un cheveu par un empilement de pixels de moins en moins important de la base vers la pointe. Ainsi, pour modifier les paramètres du cheveu, il suffit alors de modifier l'agencement des pixels. Pour produire des surfaces composées de milliers de poils, ils se sont ensuite appuyés sur une technique de cartographie couleur. En d'autres mots, ils ont utilisé trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, pour représenter trois paramètres de cheveux, donc la longueur, la largeur et l'angle. Ne restait plus ensuite qu'à développer un algorithme capable de traduire cette cartographie couleur en modèle de réseau de poils lisible par une imprimante 3D. Certains imaginent déjà utiliser cette avancée technologique pour imprimer perruques et extensions. Pourtant, c'est pas l'objectif visé par les chercheurs du MIT qui se demandent désormais si de tels cheveux artificiels pourraient être utiles à des tâches aussi variées que l'adhésion, la détection ou l'actionnement. En effet, dans la nature, poils et cheveux ont généralement des rôles bien définis comme réguler la température ou écarter la poussière, par exemple. Leur objectif est d'utiliser pleinement le potentiel de l'impression 3D pour créer de nouveaux matériaux fonctionnels dont les propriétés seraient facilement réglables et contrôlables. Pour démontrer les pouvoirs adhésifs de leurs produits, les chercheurs ont travaillé sur des surfaces agissant comme du velcro. Selon l'angle des poils, les surfaces se collent les unes aux autres de manière plus ou moins forte. Concernant la détection, les chercheurs ont imprimé de petites peluches en forme de lapin équipées de LED, des lumières LED, qui s'allument uniquement lorsque le lapin est caressé dans certaines directions. De quoi envisager également de concevoir une nouvelle génération de jouets interactifs. Enfin, afin de déterminer si leurs cheveux étaient capables d'actionner ou de déplacer les jouets, ils ont fabriqué une table de tri à partir de panneaux de poils imprimés. Grâce à cette table, ils ont effectivement pu déplacer des pièces de monnaie et les trier en fonction de leur poids. Ah ouais! Maintenant, un poisson qui peut reconnaître les visages humains. Le poisson archer, une espèce tropicale, s'est montré capable de reconnaître un visage humain parmi 44 autres. Pourtant, les poissons n'ont qu'un cortex visuel assez peu développé. Pour la première fois, donc, des chercheurs de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni et du Queensland en Australie ont montré que les poissons peuvent distinguer des visages humains. Ces résultats proviennent d'expériences réalisées sur un poisson tropical d'eau douce, le poisson archer, le Toxotes chattereus. L'animal est connu pour cracher un jet d'eau sur des proies aériennes, donc des insectes, afin de les faire chuter. Ce comportement suggère de bonnes capacités visuelles pour distinguer les proies. Alors, ce poisson pourrait-il distinguer les visages humains? Cette tâche est tout de même assez compliquée, comme l'explique l'auteur de cette recherche présentée dans Scientific Reports. Je cite: faire la distinction entre un grand nombre de visages humains est une tâche étonnamment difficile, d'abord parce que tous partagent les mêmes caractéristiques de base. Tous les visages ont deux yeux au-dessus d'un nez, en général, et de la bouche. La discrimination entre les visages doit donc utiliser de détails subtils. Elle ajoute: si l'on considère les similitudes dans l'apparence entre certains membres de la famille, cette tâche peut être très difficile. Et cette complexité laisse supposer qu'il faut un cerveau complexe pour ce faire. Il a été émis l'hypothèse que cette tâche est si difficile qu'elle ne peut être effectuée que par les primates, qui ont un cerveau grand et complexe. En effet, le cerveau humain possède une région spécialisée pour reconnaître les visages. Les chercheurs ont donc voulu savoir si l'animal avec un cerveau plus petit et plus simple était capable de différencier des visages humains. En plus, le poisson est un animal qui n'a pas spécialement besoin de reconnaître les visages humains et ne devrait pas avoir évolué dans le sens de cette reconnaissance faciale. Pardon, pour leur expérience... pardon encore. Donc, pour leurs expériences, les chercheurs ont présenté au poisson deux images de visage humain avec un écran d'ordinateur placé au-dessus de l'aquarium. Le poisson a été formé à reconnaître un visage particulier et à lui cracher dessus. Certains poissons apprenaient plus vite que d'autres à reconnaître les visages, peut-être parce que tous n'utilisaient pas les mêmes détails visuels. Une fois que le poisson avait appris à reconnaître les visages, les chercheurs lui ont montré ce visage et d'autres, donc 44 visages, Le poisson pouvait alors correctement choisir le visage qu'il avait appris à reconnaître. Les poissons réussissaient dans cette expérience avec un taux de réussite qui pouvait dépasser les 80%. Même avec des visages plus difficiles à reconnaître, comme en noir et blanc, les poissons retrouvaient toujours le bon visage. Pourtant, comme l'explique Madame Kate Newport, les poissons ont un cerveau plus simple que les humains et il leur manque toute la section du cerveau que les humains utilisent pour la reconnaissance des visages. Ça suggère que la reconnaissance des visages humains ne nécessite pas forcément un cerveau complexe. Le poisson, qui ne possède ni le cortex visuel sophistiqué des primates, ni le néocortex, présente donc de bonnes capacités de discrimination visuelle. La reconnaissance des visages humains a été également mise en évidence chez d'autres animaux, comme les oiseaux, pigeons et poules, qui possèdent des structures proches de néocortex, contrairement aux poissons. Plus étonnant, en 2005 et en 2009, un chercheur australien avait montré une forme de reconnaissance faciale chez les abeilles. Les oiseaux, en reste chez les animaux, ont plus de neurones que les primates. Pourquoi certains oiseaux montrent-ils les capacités cognitives dignes des primates avec un cerveau aussi petit? Parce que leur densité de neurones est 2 à 4 fois supérieure, répond une équipe internationale dont l'étude fera date. Vous ne regarderez plus jamais les oiseaux de la même manière, nous dit l'article. Le cerveau du perroquet est gros comme une noix, celui d'un macaque à la taille d'un citron. Pourtant, cet oiseau-là a davantage de neurones que ce primate-ci. C'est comme ça que commence à communiquer l'Université Vanderbilt aux États-Unis, dont l'une des scientifiques, Susanna Herculano-Huzel, a collaboré avec une équipe tchèque de l'Université Charles à Prague pour cette surprenante étude publiée dans PNAS. Les chercheurs ont dilacéré les cerveaux de 28 espèces d'oiseaux pour en dénombrer les neurones dans le but de résoudre une énigme. Les perroquets et les corvidés, corbeaux, corneilles, pies, geais et choucas, présentent de grandes capacités cognitives, comme en témoignent de multiples expériences et observations menées ces dernières décennies. Corbeaux et corneilles fabriquent des outils, c'est ce qu'a montré le travail de Christian Roots sur la fabrication de crochets à trappe verre par des corbeaux calédoniens filmés dans la nature. Dans une expérience en laboratoire, les cervidés d'espèces différentes ont réussi des tests complexes inspirés par la fable d'Ésope, la corneille et la cruche, avec des réussites qui correspondaient aux performances d'enfants de 7 à 10 ans. On a vu au Japon et ailleurs des corneilles utiliser les roues des voitures pour briser des coques de noix trop dures et même, pour certaines, améliorer le procédé en les posant sur un passage pour piétons protégé par un feu rouge. Des expériences ont montré que les corvidés sont capables de raisonnement complexe et même d'imaginer comment réfléchit un congénère. C'est la théorie de l'esprit, longtemps considérée comme un apanage des mammifères. Pourtant, le cerveau des oiseaux est minuscule et l'idée est venue un temps d'un câblage différent. La solution n'est pas là, non. Les oiseaux ont une densité de neurones très élevée, surtout dans la partie frontale, le pallium, et particulièrement chez les oiseaux chanteurs et chez les perroquets. Ainsi, un perroquet ou un corvidé a à peu près autant de neurones qu'un petit singe, soit 2 à 4 fois plus qu'un mammifère non primate, de taille semblable. L'article des PNAS cite l'exemple du roitelet, 9 fois plus léger qu'une souris, mais qui possède 2,3 fois plus de neurones qu'elle. Pour les chercheurs, il y a là l'explication des performances cognitives des oiseaux. Leur cerveau est plus dense. Chez les mammifères, l'augmentation de l'intelligence va de pair avec la connexion de nombreux neurones éloignés. Chez les oiseaux, c'est avec la densité de cellules. Donc, pourquoi cette différence? Les auteurs retiennent deux hypothèses. La première, cette stratégie fait gagner du poids, conduisant à un cerveau de masse plus faible, à performance égale, un avantage pour le vol. La seconde, historique, est liée à l'évolution. Les ancêtres des oiseaux et ceux des mammifères auraient simplement exploité deux méthodes différentes pour améliorer leur puissance cérébrale. Quoi qu'il en soit, les prouesses de corbeaux et de perroquets nous émerveilleront pour toujours. Voilà. Ensuite de ça, on y va avec du sport pour les gens de 65 ans et moins. Une étude portant sur près de 20 000 adultes âgés de 45 à 50 ans montre que les plus actifs réduisent de 37% le risque d'AVC à 65 ans. Une bonne raison de continuer à faire du sport après 40 ans ou encore de s'y mettre. Une étude observationnelle menée sur 19 812 adultes âgés de 45 et 50 ans, une majorité d'hommes, s'est basée sur la capacité respiratoire et pulmonaire de chacun. J'ai une chance que je n'ai pas partie de cette étude-là, je n'ai pas de capacité respiratoire et pulmonaire. Les données avaient été récoltées auprès de la Cooper Center Longitudinal Study, établie entre 1999 et 2009. Les participants ont ainsi pu être répartis par les chercheurs en trois catégories, faible niveau de forme physique, niveau moyen et niveau élevé. Les auteurs ont constaté que les plus sportifs présentaient un risque d'accident vasculaire cérébral à l'âge de 65 ans, réduit de 37% par rapport au groupe en faible forme physique. Ces résultats ont même été confirmés après élimination des facteurs confondants que sont le diabète de type 2, la fibrillation atriale et l'hypertension artérielle. Cette étude confirme l'intérêt d'une activité physique régulière pour la santé cardiovasculaire, même en présence d'une maladie chronique, souligne le principal auteur. L'American Heart Association et l'Organisation mondiale de la santé recommandent de pratiquer chaque semaine 150 minutes d'exercice modéré ou 75 minutes plus intense. Donc, vous pouvez aller voir l'étude sur, dans la revue Stroke. On reste dans la course et les pieds ont moins de ressorts avec des chaussures de course. Les chaussures de course... Oh, pardon, j'ai cliqué sur quelque chose qu'il fallait pas, moi. Attention. Ah! Les chaussures de course ont beaucoup évolué, notamment pour amortir les chocs du pied sur le sol. Mais avec ces chaussures, la voûte plantaire s'aplatit moins et restitue moins d'énergie pour la foulée suivante. Conséquence, les muscles du pied sont davantage sollicités. Certes, les humains sont nés pour courir, mais pas forcément sur du béton. Et avec des chaussures en mousse, lorsqu'on court pieds nus, par exemple, le pied joue le rôle de ressort. Il absorbe le choc, stocke l'énergie et l'utilise pour la restituer lors de la foulée suivante. Or, les chaussures actuelles pourraient interférer avec ce processus. Certains pensent même qu'elles affaibliraient les muscles du pied. Ces dernières décennies, les chaussures ont beaucoup évolué, mais la fréquence des blessures de course n'a pas diminué pour autant. Ceci a suggéré aux coureurs que les chaussures feraient plus de mal que de bien, c'est ce qu'a voulu savoir une étude australienne parue dans la revue Journal of the Royal Society Interface. Le principal auteur de l'étude a expliqué qu'il a commencé à se douter que les chaussures étaient néfastes à la course alors qu'il exerçait comme podologue. Comme il l'a expliqué au Huffington Post, je cite, « Les théories de biologistes évolutionnistes ont commencé à être énoncées il y a environ 5 ou 6 ans, disant que, lorsque nous courons dans les chaussures, nous devenons dépendants de l'amortissement de la chaussure pour atténuer une partie de l'impact, ce qui change la façon dont nous courons, nous rendant plus faibles et plus paresseux. » Les scientifiques de l'Université de Queensland, du Queensland ont donc fait courir 16 personnes pieds nus ou chaussés sur un tapis d'entraînement. Ils ont réalisé des mesures sur leurs pieds pour tester l'activation des muscles grâce à de petites électrodes. Ils ont observé que les chaussures de course interféraient avec la capacité du pied à jouer son rôle de ressort. Avec des chaussures, la voûte plantaire se compressait moins au contact du sol que pieds nus. Mais contrairement à ce que certains pensent, le pied ne se reposait pas, les chaussures de course faisaient même davantage travailler les muscles. Comme l'explique le chercheur, je cite, « La première chose que nous avons vue dans une perspective de mouvement était que lorsque vous courez avec des chaussures, votre voûte plantaire s'effondre moins. Moins de compression signifie moins d'énergie stockée, donc je suppose que les arguments des biologistes évolutionnistes sont justes. Mais la chose unique que nous avons vue était que l'activation des muscles a augmenté, ce qui est en contraste complet avec l'argument que les chaussures affaiblissent le pied. » En résumé, la voûte plantaire travaille moins dans les chaussures à cause de l'amortissement de l'impact, mais l'intensité musculaire au niveau des pieds, elle, augmente. On reste dans les chaussures avec l'Euro 2016 et la chimie high-tech qui a révolutionné le monde des chaussures dans le football, le soccer. Au foot comme dans les autres disciplines sportives, répondre aux exigences contradictoires de la chaussure est une affaire de haute technologie. C'est aujourd'hui au niveau moléculaire que les chimistes travaillent pour inventer des matériaux tout à la fois légers, souples, résistants, étanches, confortables, colorisables, façonnables, etc. Donc vous allez pouvoir découvrir les dernières vedettes, les coplimères à bloc qui concilient l'inconciliable. Une bonne chaussure de sport doit être légère. Selon la discipline, elle doit aussi être souple pour courir ou d'une rigidité déterminée pour marcher, grimper ou skier. Elle doit aussi être étanche et résister au choc. Ces qualités sont difficilement compatibles et pour aboutir à un bon compromis, il faut associer différentes matières. Ce peut être le cuir de kangourou, souvent utilisé pour la tige des chaussures de football. Au football, on parle du vrai football, donc le soccer, par exemple, et la fibre de carbone pour les crampons. Cependant, l'immense magasin de la chimie organique comporte aujourd'hui tant de molécules différentes que semblables matériaux composites peuvent être créés à partir de polymères, donc le plastique du langage courant. Dans le domaine des chaussures de sport, les progrès récents sont venus des élastomères thermoplastiques, ce qu'on appelle les TPE, qui parviennent à être à la fois élastiques et suffisamment durs. Comment est-ce que c'est possible? Un matériau thermoplastique a la propriété de devenir souple et déformable, voire même liquide, au-dessus d'une certaine température, et puis de se rigidifier de nouveau après refroidissement sans que ses propriétés soient altérées. Le verre est thermoplastique. Avec de tels matériaux, la fabrication d'un objet peut se faire facilement à l'aide de différents procédés comme le soufflage, le moulage, le surmoulage, l'extrusion. De nombreux polymères ont cette propriété, le polyéthylène, le polychlorure de vinyle, le polystyrène, le polyméthacrylate de méthyle, les résines acryliques. Ils permettent de réaliser des objets de forme et de couleurs variées. Chimiquement, ils sont constitués de longues chaînes peu ou pas ramifiées. Mais il leur manque souvent la souplesse. Celle-là est la qualité des élastomères, la propriété élastique étant celle qui permet à un matériau de reprendre sa forme initiale une fois la contrainte mécanique disparue. Le caoutchouc naturel a donné son nom à ces matériaux qui, à proprement parler, ne sont pas plastiques puisqu'ils sont élastiques. Combiner les deux est un art. consommer des chimistes, des polymères qui inventent toutes sortes de compromis en cuisinant des savants mélanges. Les copolymères associent dans leur... dans les mêmes chaînes des molécules chimiques différentes. Ce sont eux qui permettent d'obtenir des élastomères thermoplastiques, des matériaux à la fois souples et durs. Il faut pour ce faire des copolymères spéciaux qu'on appelle ABLOC. Les chaînes sont formées de successions de motifs moléculaires, donc plutôt AAAA, BBBB, B, AAAA, donc 4 fois A, 4 fois B, 4 fois A, que ABA, BA, BA, BA. Ainsi sont faits les élastomères thermoplastiques dont il existe de nombreuses variantes. Certaines sont à la base... sont à base de polyuréthane ou polyuréthane avec deux N. Une écriture française avec deux N rappelle qu'il n'y a pas d'éthane, mais qui s'est quasiment perdu. Wow, OK, c'est pour ça. Ou polyuréthane... OK. Certaines sont à base de polyuréthane avec un N ou polyuréthane avec deux N. Une écriture française dont les deux N rappellent qu'il n'y a pas d'éthane, mais qui s'est quasiment perdu. Intéressant. Ce sont les TPU. Il y en a entre autres comme celui produit par l'entreprise Arkema sous le nom de Pebax et qui est présenté dans une vidéo sur assemblagerequis.com. Typiquement, c'est un PEBA, PEBA ou un polyether black amide. Un copolymère éthéramide. Il est constitué d'une succession de blocs, les uns rigides, donc du polyamide, et les autres souples, donc du polyéther. Au final, on obtient une grande souplesse et une forte résistance au choc. De plus, la densité est faible, conduisant à un gain de poids de 20%. Ce matériau a rencontré le succès dans les chaussures de sport, par exemple pour le ski, mais aussi pour le football, le vrai football, où l'on apprécie la souplesse et la résistance pour un poids plus faible. Le retour d'énergie est également une propriété intéressante pour le football, la course ou la randonnée, quand la semelle a tendance à retrouver d'elle-même sa forme plane après le soulèvement du pied, comme s'il y avait un ressort dans la chaussure. Ces combinaisons de molécules permettent donc de répondre à des exigences apparemment contradictoires qui diffèrent entre les disciplines, voire qui évoluent avec les pratiques, la mode ou les demandes sociétales. Par exemple, récemment est apparue une variante du PEBAC réalisée avec des matières premières recyclables à base d'huile de ricin. Les chimistes n'ont pas fini donc d'étonner les sportifs. Et pour terminer avec ça, pour la chimie encore, on va rester sur la chimie. Depuis des décennies, les physiciens produisent des noyaux dits transuraniens, c'est-à-dire contenant davantage de nucléons que l'uranium, l'atome le plus lourd connu sur Terre. Dernier épisode de cette saga, c'est les 4 transuraniens qui ont complété la toute dernière période du tableau de Mendeleïev et l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, l'IUPAC, vient d'annoncer leur nom officiel. Nihonium, moscovium, tennessine et oganesson. Ceux-ci seront confirmés dans quelques mois. Le 30 décembre 2015, l'IUPAC, c'est-à-dire l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, avait finalement annoncé qu'elle validait la découverte des éléments 115, 117 et 118, baptisés respectivement unipentium, unoseptium et unonoctium. Elle avait aussi annoncé qu'elle autorisait les membres des laboratoires japonais, russes et américains, qui avaient débusqué ces éléments chimiques dans des expériences de physique nucléaire, à leur donner des noms plus colorés. Donc, les laboratoires en question étaient le JINER, le Joint Institute for Nuclear Research, un centre de recherche international de physique nucléaire à Doumna, dans l'oblast de Moscou, en Russie, le LLNL ou le Lawrence Livermore National Laboratory à Livermore, aux États-Unis, les membres du laboratoire japonais RIKEN, plus précisément sa division Nishina Center for Accelerator-Based Science, donc pouvaient également choisir la dénomination de l'élément 113 qui avait été baptisé temporairement l'Unontrium. Selon la tradition, les noms peuvent faire référence à un concept mythologique, à un minéral, à un lieu, à un pays, à une propriété ou encore à un scientifique. Exemple, en 2012, l'IUPAC avait définitivement attribué le nom de l'Ivermorium, qui s'appelait avant l'Unonexium, à l'élément chimique de numéro atomique 116, qui, comme son nom l'indique, évidemment, a été découvert à Livermore, le Livermium, l'Ivermorium, pardon. Donc, le 8 juin dernier, l'IUPAC a fait savoir que les laboratoires avaient fait des choix et que ces éléments porteraient désormais les noms suivants dans le tableau de Mendeleïev. Nihonium, donc c'est l'élément 113 de symbole N majuscule à minuscule. Son nouveau nom indique son origine japonaise car Nihon, c'est le Japon en japonais. C'est le tout premier élément transuranien à avoir été découvert dans un pays asiatique. Ensuite, le moscovium, l'élément 115 de symbole chimique M majuscule C minuscule, découvert par l'Institut implanté à Doubna dans l'oblast de Moscou, d'où son nom. Moscovium. Le tennessine, c'est l'élément 117 de symbole chimique TS, donc T majuscule S minuscule, découvert par le laboratoire d'Oak Ridge dans l'état du Tennessee, d'où son nom tennessine. Et l'organesson, c'est l'élément 118 de symbole chimique O majuscule G minuscule. Son nom rend hommage au physicien Yuri Oganessian, qui fut un pionnier des recherches sur les éléments transuraniens au-delà du numéro 92, c'est-à-dire au-delà de l'élément uranium. C'est du complexe, mais je trouve ça intéressant quand même de parler un petit peu de chimie. C'est quelque chose qui m'attire un petit peu par moment. Donc, allons-y maintenant avec le temps avance. Hein. le temps avance. C'est un fait de la vie. Je ne sais pas qui a sorti cette théorie-là que le temps avançait, mais il avait bien raison. Hein? Donc, on va retourner, non pas en chiptune, mais avec notre série Smooth Me Groove Remixed. Sur la musique de Smooth Me Groove, mais remixée. Pour en dire quelques petits détails de plus, donc c'est un album de remix en 14 pièces, mettant en vedette la voix de Smooth McGroove, une vedette de YouTube. L'album met en vedette des remixes de chansons de Legend of Zelda, Smash Brothers, Sonic the Hedgehog, Mega Man et plus. 10 producteurs ont travaillé, ont collaboré ensemble pour amener la voix de Smooth McGroove, la version à la voix a cappella de Smooth McGroove, sur de la musique remixée. Donc 10 producteurs. On a déjà écouté les pièces 1 à 7. On était rendu à la 8e. Donc je vous propose l'artiste Shijolo avec un remix du jeu Xenogears. Voici One Who Bears Fangs at God. MPS le Mathieu Plante Show sur le Kefau. Quelle heure de fête? pièces 8 et 9 de Smooth Me Groove Remix. On vient d'entendre Blind avec Brinstar Green, Metroid Remix. Et avant ça, c'était Kjolo avec One Who Bears Fangs at God, Xenogears Remix. Il nous reste encore les pièces 10 à 14, donc sûrement 2-3 petites semaines, ça va être terminé pour cette série-là. Mais on adore Smooth Me Groove Remix. Vous pouvez l'acheter sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Maintenant, toujours Mathieu Plancho, c'est le moment du segment Geek Scenix. CNX, c'est la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Donc, depuis les 7 derniers jours, en fait, j'ai dit 7 derniers jours en début de Terre-Visite tantôt. Et c'est pas vraiment ça parce qu'on n'a pas eu d'émission live la semaine passée. C'était une émission de meilleurs moments de Samuel Girard. C'est pour ça qu'on avait autant de nouvelles dans Télévision, et c'est pour ça qu'on en a aussi beaucoup dans CNX. Allons-y avec des nouvelles importantes. On va parler de vraies technologies à la place de nouvelles du futur, comme on fait d'habitude. Commençons par la Xbox et tout ce qui s'est passé à E3. Donc Microsoft a levé le voile sur sa prochaine console de salon, nom de code Scorpio, qui est présentée comme une partie intégrante de la famille Xbox One, taillée pour faire tourner des jeux en 4K Ultra HD. La famille Xbox One devrait d'ici 18 mois s'enrichir d'une nouvelle représentante dévoilée à toute fin de la conférence pré-E3 2016 par Microsoft. Présentée sous le nom de code Scorpio, elle serait la version dopée aux hormones de la Xbox One actuelle. Microsoft ne s'est guère étendue sur les performances réelles, mais parle sans embâge d'une console capable de faire tourner des jeux en 4K, ce qui prépare aussi certainement la voie à la prise en charge de casques de réalité virtuelle. À ce stade, les détails techniques se font rares, mais Microsoft a tout de même avancé deux chiffres qui illustrent en partie les capacités de cette future console. L'éditeur parle ainsi de 8 cœurs disponibles, d'une puissance de calcul de l'ordre de 6 teraflops et d'une bande passante de mémoire qui atteindrait les 320 gigs/seconde, des spécifications qui laissent effectivement augurer un gain significatif par rapport aux actuels cœurs Jaguar de AMD de la Xbox One. Les trois consoles, donc Xbox One, Xbox One S et la future appellation de Scorpio, ont toutefois bien vocation à faire tourner le même catalogue de jeux. En revanche, la promesse sera de plus haut vol sur la dernière des trois avec, selon les titres, une fluidité garantie ou la prise en charge de l'affichage 4K. Microsoft n'a cependant pas vraiment précisé ses ambitions en la matière, tout comme il s'est bien gardé d'évoquer un éventuel partenariat avec un spécialiste de la réalité virtuelle. La démarche se révèle, quoi qu'il en soit, osée sur le marché traditionnellement conservateur des consoles de salon, avec trois modèles amenés à coexister dans le commerce si la One, première du nom, ne disparaît pas, et un vrai parti pris de différenciation au niveau des performances. Projet Scorpio est censé donner naissance à une console finalisée avant la fin de 2017. Difficile de ne pas penser à la récente présentation de l'architecture Zen réalisée par AMD, nous dit Clubic.com, à l'occasion du Computex au début du mois de juin. La société n'avait alors donné aucune information précise, mais elle confirmait disposer déjà de processeurs 8 cœurs, basés sur une architecture amenée à être déclinée sur tous les pans du marché, des PC desktop à l'embarquer, en passant pourquoi pas par les consoles de salon. Impossible toutefois de confirmer cette hypothèse à ce stade. AMD pourrait aussi fournir plus simplement une version gravée en 14 nanomètres de ses actuels cœurs Jaguar. Côté graphique, on pense forcément à la toute récente architecture Polaris dont la première représentante officielle, la Radeon RX480, a été annoncée à 5 teraflops avec ses 36 cœurs d'exécution. Une version légèrement mieux garnie, peut-être un petit peu plus que ça, pourrait correspondre aux éléments évoqués ici. Il sera certainement difficile de dépasser le stade des conjectures avant la sortie de la console. Parlons de la mini-console Xbox One, son nouveau dérivé, la Xbox One S, qui va être vendue à partir de 399$ canadiens, donc 300$ US, 400$ canadiens. On peut déjà précommander un modèle 2 Teraoctets de capacité à 500$. Microsoft a confirmé que la Xbox One S de 500 Go de stockage sera vendue, elle, à 400$, donc 100$ de moins pour le quart du Teraoctet. Pas super fiable. Pas super. C'est pas tellement équitable. En amorçant sa conférence dans le cadre de l'E3 2016, Microsoft n'a pas tourné autour du pot. D'entrée de jeu, ils nous ont présenté la bande-annonce de la Xbox One S, qui est sur assemblagerequis.com. On ignore si cette efficacité d'exécution était dans les plans de l'entreprise ou si des ajustements de dernière minute ont été apportés afin de régler le dossier une fois pour toutes. Quoi qu'il en soit, les fuites étaient légitimes. La Xbox One S de blanc vêtu est 40% plus petite que l'actuelle Xbox One. Elle peut lire les vidéos en 4K. Elle peut diffuser ses jeux en HDR pour les téléviseurs compatibles et propose une nouvelle version de sa manette dont la prise en main a été améliorée. Moi, c'est un facteur qui m'intéresse beaucoup, la manette. J'aime ça, les manettes. Le Microsoft Store permet déjà aux Canadiens de précommander le modèle 2 Teraoctets pour 500$. Toutefois, la One S avec 500 gigs sera à 400$ sur le même prix que son grand frère, la Xbox One tout court, mais sans jeu lors de son lancement. Il est possible que certains magasins permettent à leurs clients de précommander l'un des trois modèles. On ignore toujours le prix de la version à 1 Teraoctet qui devrait se situer aux alentours de 450. Je ne comprends pas Microsoft avec ses versions de Windows 10, version maison, entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, multinationale, version Internet of Things, version... Hey! Tu sais, je veux dire sérieusement, t'as 3 Xbox One S à 500 gigs, 1 Teraoctet, 2 Teraoctet. Ça change rien. C'est pas une assez grande différence pour 50$ chaque. Faites-moi un modèle petit pour les versions bas de gamme familiales à 500 gigs et une autre à 2 Teraoctets. J'ai pas besoin de... Le 1 Teraoctet ne sert à rien. En tout cas, je comprends pas Microsoft et ses nombreuses Q. Bref, la Xbox One S va être lancée au pays donc le 2 août prochain selon Microsoft. Justement, la Xbox One S qui va se faire sans Kinect. Hein? Attention, l'outrage ici. Microsoft n'entend pas proposer de port de branchement Kinect pour sa nouvelle Xbox One S. Le modèle revu et corrigé qui va sortir au mois d'août et dont la principale particularité est de se présenter avec un encombrement de 40% inférieur au modèle original. Le fabricant qui a donné l'info sur la page officielle de la nouvelle console justifie cette décision pour des raisons économiques de place dans la machine. On peut aussi considérer que l'intérêt de Microsoft pour sa caméra vendue de série avec la One de 2013 à 2014 est désormais aussi nul que l'application ludique qui en a été faite par les studios entre-temps. Même chose pour la PlayStation Move, il n'y a plus grand monde qui en parle. Si aucun titre n'exploitant cette technologie de détection de mouvement a été annoncé par Microsoft depuis belle lurette, on notera enfin que la société américaine n'a pas une seule fois mentionné Kinect au cours de sa conférence E3, sans doute là encore problème de place. Il demeure que si vous possédez une Kinect, il sera possible de la raccorder à la Xbox One S via un adaptateur vendu une cinquantaine de dollars, évidemment. Microsoft offre même l'accessoire pour ceux qui en font la demande. Attention par contre, appliquer littéralement, les conditions sont strictes puisque Microsoft demande à ce que vous possédiez Kinect, mais aussi une Xbox One et une Xbox One S, soit deux fois la même console pour avoir droit à votre adaptateur gratuit. C'est n'importe quoi, mais c'est encore une fois qui? Microsoft. Alors, on va chez Sony maintenant. Vous allez pouvoir essayer la PlayStation VR chez Best Buy et chez GameStop. Bien que le casque de réalité virtuelle conçu pour la PlayStation 4 ne sera pas lancé avant le 13 octobre, les curieux pourront bientôt en faire l'expérience dans certains magasins. Sceptique entrée à la réalité virtuelle, oui. Dans l'espoir de vous convaincre que cette expérience en vaut le prix, Sony a conclu un partenariat avec les chaînes Best Buy et GameStop afin d'installer en magasin des bornes permettant aux clients d'essayer la PlayStation VR. Aux États-Unis, c'est cette semaine, donc non, attends un peu, là. On va se mêler dans les dates. Là. Peu importe, c'était récemment. Donc, que l'essai public allait s'amorcer. Pour connaître les adresses des commerçants, il faut utiliser le moteur de recherche géographique intégré au site de PlayStation. Sony a indiqué que cette initiative sera également déployée au Canada, mais l'entreprise tarde toujours à confirmer la liste des magasins participants. Il serait possible d'essayer la PlayStation VR d'abord dans 30 magasins, et Sony compte augmenter ce nombre à 300 adresses à compter du 24 juin. Donc voilà, pour la PlayStation VR, j'ai hâte de l'essayer moi aussi, pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, même si j'ai l'impression que je vais avoir mal au cœur en essayant. Toujours la semaine passée, le top des nouveautés sur iOS 10, c'est selon Apple, comme toujours, la plus importante mise à jour d'iOS du point de vue de nos utilisateurs. Apple a présenté les nouveautés de son système d'exploitation mobile propulsant iPhone et iPad. Si vous n'avez pas eu la chance de voir la conférence, c'est très longue conférence, la confusion règne. Au sein des médias qui ont tenté de vulgariser le tout, même Apple propose sur son site une section visant à donner un aperçu des nouveautés d'iOS 10 sans aucune structure, vous imposant un effort supplémentaire afin de bien saisir les changements prévus, nous dit branchez-vous.com. On propose quelques petites nouveautés comme l'expérience utilisateur en général, quelques subtils changements d'interface, les messages sur votre écran d'accueil à la place d'être bord en bord de votre iPhone ou iPad vont être dans des petites cartes à la Google. Donc des cartes sur fond blanc avec l'entête message et le message dans la bulle avec les coins ronds. C'est joli, c'est mignon. Moi, je préférais de loin ne pas avoir d'arrière-plan. Mais j'imagine que ça va être plus facile de les afficher sur un arrière-plan de couleur pâle ou foncé. Peut-être que ça va moins se perdre dans le fond d'écran en ayant un fond derrière. On va voir. Le nouveau Race to Wake qui va faire en sorte que votre écran va s'allumer automatiquement lorsque vous allez soulever votre appareil. L'interface de l'écran de verrouillage a également été modifiée afin de le rendre moins sombre. Les notifications ont été enrichies de sorte qu'il vous est possible d'interagir directement avec elles sans quitter l'écran de verrouillage, un peu comme sur Android. Apple a également augmenté les capacités de 3D Touch pour permettre à l'utilisateur d'accéder encore plus à plusieurs informations. Les développeurs pourront également bénéficier de cette nouveauté en adaptant leur application en conséquence. Siri va pouvoir être utilisé avec des applications tierces. Par exemple, on pourrait envoyer un WeChat ou un Lyft ou un Uber, peu importe. Donc, les développeurs vont avoir un nouveau SDK, une trousse d'outils, afin d'intégrer ces applications, ces fonctionnalités à leur application. Le QuickType va être amélioré. Donc, en relation avec Siri, le clavier d'iOS pourra notamment offrir de meilleures suggestions dans le cadre d'une séance de clavardage. Si, par exemple, on vous demande à quel endroit vous êtes, il sera possible de transmettre sa position géographique par un clic. Même chose si on vous invite à vous rendre à un lieu ou si votre interlocuteur demande vos disponibilités pour un rendez-vous, vous allez pouvoir prendre le calendrier et l'envoyer. Le multilingue sera en effet enfin intégré au clavier, de sorte qu'il ne s'affichera plus, faussement des fautes d'orthographe quand vous vous exprimez dans une autre langue. Donc, si vous êtes en français dans votre clavier et que vous écrivez un mot en anglais, il va comprendre que c'est un mot en anglais et ne va pas vous le souligner. C'est comme une meilleure intégration pour les gens qui ont deux langues ou plus. Je trouve ça parfait comme idée. iOS 10 va pouvoir désormais afficher une carte géographique alimentée par l'information GPS de vos photos. Cool. La reconnaissance faciale, seulement aux États-Unis, évidemment, parce que même Facebook au Canada n'a pas réussi à implanter la reconnaissance faciale pour des raisons légales. Les Maps, Google Maps, Google Plan va être renouvelé de A à Z, repensé complètement. Musique dans une nouvelle interface aussi avec une très très grosse police que je trouve vraiment pas caractéristique d'Apple, même que je trouve ça vraiment laid, les grosses lettres grasses, caractère 24, je trouve ça pas Apple du tout. J'espère qu'ils vont revoir ça d'ici la sortie. Là, c'est une bêta en ce moment. Refond de Apple News aussi avec un nouveau logo, avec un nouveau look. Home pour les gens qui ont une maison intelligente. Bon, ça c'est pour les riches, on peut sauter. iPhone, les fonctions de téléphone aussi. Donc, les messages vocaux vont être retransmis directement par iOS 10 en version texte. Message qui s'inspire de Google et Snapchat et Messenger. On va pouvoir dessiner sur les photos. On va pouvoir avoir des petits personnages animés qui vont s'afficher sur vos bulles. Il va y avoir des fonds différents dans différentes bulles. Donc, par exemple, des messages qui deviennent transparents avec le temps. Des messages à gratter, des trucs comme ça. Donc, plein de nouveautés sur iOS 10. Mais c'est pas la plus grosse mise à jour qu'ils ont fait. Bon, peut-être là pour les gadgets, les trucs que tu vas utiliser une fois ou deux. Là. Peut-être que oui, c'est la plus grosse mise à jour. Mais moi, j'ai préféré les mises à jour de macOS Sierra. La nouvelle appellation de macOS 10, qui est maintenant juste macOS Sierra, pour aller avec macOS, tvOS, iOS, etc. Donc, Apple a profité de la WWDC la semaine passée pour harmoniser le nom de sa plateforme. Donc maintenant, ce sera macOS 10.2. 10.12, pardon, Sierra. Alors, on a présenté 8 fonctionnalités notables, la plus notable étant le One More Thing, l'arrivée de Siri sur le Mac. Bon, ça, c'est plus ou moins intéressant pour moi, mais quand même, ça va exister. Petit icône dans le coin de l'écran, en haut à droite et en bas à gauche. Deux fois, je sais pas pourquoi. Continuité qui va s'améliorer, iCloud Drive et Apple Pay. Le Optimized Storage, que je trouve vraiment bien, une fonction qui est un petit peu comme le nettoyage de disques sur Windows, c'est qu'ils vont envoyer les plus vieux fichiers dans le nuage. Pour garder l'espace de stockage, c'est quand même une bonne idée. Donc, macOS Sierra qui est disponible maintenant sur la plateforme de développeurs. Même chose pour iOS 10. Il va être en bêta publique, les deux. En bêta publique à partir du mois de juillet. Et la sortie officielle va être à l'automne. Donc, moi, j'ai hâte que la bêta publique embarque. Je préfère, et je vous conseille de faire la même chose, de sauter par-dessus la bêta développeur. Parce que ça, c'est vraiment le premier gel. Les bugs sont tous dans la bêta développeur. Même la bêta publique va avoir quelques bugs. Mais au moins, ça va être rendu assez loin dans le processus pour que ce soit plus, disons, facile de l'utiliser comme tous les jours pour votre travail ou pour votre vie personnelle. Donc, je vous suggérerais d'attendre la version bêta publique. Je vais sauter par-dessus quelques autres nouvelles d'Apple pour aller à une nouvelle qui date d'il y a 3 semaines environ, mais que je trouve intéressante. C'est Super Mario Brothers, un jeu scientifiquement difficile. Selon une étude attachée au MIT, la populaire série de Nintendo pourrait être exploitée pour concevoir l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles à résoudre sans l'assistance informatique. Avez-vous déjà eu de la difficulté à compléter un niveau de Mario Bros? Hein? Si c'est le cas, la science vient de déterminer que le jeu pouvait s'avérer particulièrement difficile. Du moins, si Shigeru Miyamoto et ses collègues ingénieurs de Nintendo ont envie de vous faire vivre un cauchemar, ils ont déjà en main tous les éléments nécessaires pour le faire. C'est en effet la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs en sciences informatiques du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT de l'Université d'Ottawa et du Bard College. Donc le MIT, ensuite l'Université d'Ottawa et ensuite le Bard College. Concrètement, à partir des ressources déjà présentes dans le jeu, il serait possible de poser un problème mathématique plus difficile que la factorisation de grands nombres, ou même le problème du voyageur de commerce, un classique problème d'optimisation utilisé abondamment comme introduction à l'algorithmique ou à la théorie de la complexité. Alors que les travaux antérieurs de la même équipe avaient déjà déterminé que Super Mario Bros. pouvait être au moins aussi difficile que les plus difficiles problèmes de type NP, d'une complexité qui nécessite généralement l'aide d'un ordinateur pour être résolu, les chercheurs catégorisent désormais le jeu comme pouvant générer des problèmes de type P-Space, soit au niveau supérieur de complexité. Mais si l'étude démontre que Super Mario Bros. A la capacité d'être scientifiquement difficile, cela ne signifie pas que ce soit le cas des niveaux qui composent la série. Je cite, la nouvelle étude ne cherche pas à établir qu'un niveau en particulier tiré de l'une des versions commerciales de Mario Bros soit d'une difficulté de type P-Space, mais plutôt qu'il est possible de construire des problèmes d'une complexité de type P-Space à partir des matières brutes qu'on retrouve dans le monde de Super Mario Bros. Donc, au dire des chercheurs, le fruit de leurs travaux pourrait avoir des... J'ai le mucus qui m'aide pas à farmer air. Pourrait avoir des implications au-delà de la conception de jeux vidéo. Je cite, mathématiquement, les jeux vidéo ne sont pas bien différents des modèles de calcul de systèmes physiques du monde réel, et les outils utilisés pour prouver la complexité de l'un pourraient être adaptés à l'autre, a déclaré un professeur de génie électrique et d'informatique au MIT et au co-auteur de l'étude. Son souhait est d'inciter plus de gens à effectuer de telles recherches parce que ça permet véritablement de construire une grande expertise qui permettra de vaincre plus facilement les problèmes. Plus nous nous pratiquerons en tant que collectivité, mieux nous serons aptes à résoudre ce type de problème complexe et il est important de connaître les limites de ces algorithmes. Le Power Glove de Nintendo, sorti dans le commerce en 89, renaît de ses cendres. Un ingénieur en a modifié un exemplaire pour en faire un contrôleur de drone domestique de quadricoptère, une expérience réussie. Nolan Moore est un ingénieur diplômé en génie informatique dont la création a fait mouche durant la Bay Area Maker Faire qui s'est déroulée fin mai à San Francisco. Moore a en effet modifié un Power Glove de Nintendo pour en faire un gant capable de contrôler un quadricoptère. Une modification qui a entraîné un changement total de l'électronique au sein de l'accessoire au profit de différents capteurs permettant d'associer les mouvements de la main à ceux d'un quadricoptère ou un drone domestique. Je cite, mon gant dispose d'une centrale à inertie qui détecte les mouvements ainsi que des capteurs de flexion dans les doigts, explique l'ingénieur sur la page de son projet. Le gant est relié au drone par l'intermédiaire d'une connexion Wi-Fi. À l'origine, le Nintendo Power Glove était un contrôleur destiné à remplacer la manette de la NES. Sorti en 89, l'accessoire a cependant été un flop commercial en raison d'un nombre de jeux compatibles très limité et d'un prix trop élevé, pas moins de 100$ à l'époque. Le Power Glove était peut-être un peu trop en avance sur son temps, c'est ce que je pense aussi. Klubik dit la même chose que je pense. Mais il trouve aujourd'hui une nouvelle vie grâce à ses ingénieurs inventifs. Allez voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Et voilà, je pense que non, en fait, il nous reste en masse de temps et la place de prendre une pause musicale. Allons-y avec d'autres actualités. J'ai essayé de vous présenter, de vous préparer quelques nouvelles du futur que j'avais prévu faire en deuxième bloc, donc allons-y tout de suite. Avec la Coupe du monde de football et le Qatar qui se prépare grâce à l'impression 3D. L'Université du Qatar travaille sur le design des 12 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde de football en 2022. Pour ce faire, elle se sert d'une technique inédite. Elle combine des maquettes 1/300 des édifices réalisés par impression 3D qui sont ensuite passées dans une soufflerie afin d'en étudier l'aérodynamisme à l'aide de faisceaux laser. L'objectif est d'optimiser la circulation de l'air tout en réduisant le coût de fabrication et l'impact environnemental. Alors que l'Euro 2016 bat son plein, certains préparent déjà activement les futurs événements de la planète football. C'est le cas notamment du Qatar qui accueillera la Coupe du Monde 2022. À cette occasion, 9 stades seront édifiés et 3 autres existants entièrement rénovés. Pour mener à bien cette entreprise, le Conseil suprême pour la remise et l'héritage, l'organisme responsable de la livraison des stades et enceintes, travaille en collaboration avec l'Université du Qatar. Ces ingénieurs ont développé une technique pour évaluer l'architecture et le design des stades qui combine l'impression 3D et une étude en soufflerie. Des maquettes à l'échelle 1/300 sont fabriquées pièce par pièce à l'aide d'une imprimante 3D Fortus 400MC de Strata 6. Elles sont ensuite assemblées puis installées dans une soufflerie conçue spécialement pour ce projet. Des faisceaux laser permettent de détecter les flux d'air qui circulent autour et à l'intérieur du bâtiment et ces données sont ensuite analysées par ordinateur pour pouvoir réaliser des simulations. Ils peuvent visualiser la température à chaque niveau, introduire des variables telles que le nombre de spectateurs et la sueur produite, puis ensuite lancer une simulation et voir les effets de la température à l'intérieur du stade. Monsieur Saoud Abdul Aziz Abdou Ghani, dans un article de 3D Printing Industry, lui est en charge de ce projet au College of Engineering de l'Université du Qatar. Le pays organisateur a annoncé vouloir des infrastructures avec une empreinte carbone zéro, grâce notamment à une ventilation naturelle efficace. À l'aide de ces outils d'analyse, les ingénieurs peuvent émettre des recommandations architecturales qui permettront de limiter les radiations solaires et réduire la circulation des vents chauds qui balaient le pays. Il faut savoir qu'en raison des chaleurs trop élevées durant la période estivale, la Coupe du monde de 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre. Sinon, c'est trop chaud l'été! Le bureau technique du Conseil suprême pour la remise et l'héritage C'est d'avoir appliqué un certain nombre de changements aérodynamiques suite à ses études en soufflerie. Ces dernières ont également permis de réduire la quantité d'acier employé pour les structures des toits des stades. À la clé, les autorités qataries affirment avoir réalisé des économies sur les coûts de construction tout en réduisant l'impact environnemental. Cependant, avec un budget global de 200 milliards de dollars, dont 38 milliards rien que pour le Lusail Iconic Stadium, le stade qui accueillera la finale de ce mondial 2022, on peut s'interroger sur l'ampleur des économies réalisées. Voilà. Plus d'informations sur assemblagerequis.com. L'intelligence artificielle maintenant remplacera-t-elle les bruiteurs au cinéma? Une intelligence artificielle développée par le MIT, c'est toujours le MIT, est capable de réaliser des bruitages réalistes à partir d'un film muet en choisissant l'effet sonore adapté à l'action. Les chercheurs envisagent qu'une version perfectionnée de leur algorithme pourrait un jour remplacer les bruiteurs pour illustrer les films et les séries télé, mais aussi rendre les robots plus performants. Alors qu'une intelligence artificielle prénommée Benjamin vient de faire preuve d'un certain talent en écrivant le scénario totalement loufoque d'un court-métrage de science-fiction intitulé Sunspring, voici qu'une autre intelligence artificielle se distingue dans le laboratoire du bruitage. Une équipe du CCL, qui est le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory au MIT, a développé un algorithme d'apprentissage profond, ce qu'on appelle du deep learning, capable d'analyser une vidéo muette et de réaliser les bruitages correspondant à l'action. Le programme s'est montré si efficace qu'il a réussi à leurrer des spectateurs en leur faisant croire que les sons d'un vidéoclip, le clip vidéo, provenaient d'un environnement réel. Dans un article intitulé « Visually Indicated Sounds » qui sera présenté bientôt lors du Computer Vision and Pattern Recognition, un événement dédié aux technologies de vision par ordinateur, l'équipe du MIT explique sa démarche. L'apprentissage profond reposant sur l'analyse d'une masse importante de données, les chercheurs ont commencé par créer une base répertoriant un millier de vidéos contenant environ 46 000 sons produits à partir d'une baguette de batterie. Pour reconnaître un son, l'intelligence artificielle devait déterminer quel type de matière était touchée par la baguette et de quelle manière celle-ci entrait en contact. Est-ce qu'elle tapait, tapotait, grattait, raclait, etc. Pour cela, le programme a analysé cette base de données pour décomposer les sons afin de déterminer leur hauteur, intensité, etc. Ensuite, pour choisir l'effet audio adapté à une action, l'algorithme étudie, image par image, les signaux audiovisuels bruts de la vidéo qu'on lui soumet, puis il transforme ces échantillons en ondes pour les croiser avec la base de données afin de composer le son le plus adapté. Hein? Pour évaluer l'efficacité de leur intelligence artificielle, les spécialistes du CCL ont demandé à des volontaires de visionner deux vidéos, l'une contenant une bande son réelle, l'autre sonorisée par leur algorithme. Deux fois sur trois, les spectateurs ont identifié le son artificiel comme étant réel. L'intelligence artificielle a donc réussi l'équivalent de test de Turing pour le son, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour la technologie. Le système a encore des limites qui l'empêchent de retranscrire n'importe quel bruit. Il faut que celui-ci puisse être rattaché à une action physique visuellement identifiable dans la séquence vidéo. L'intelligence artificielle n'est pas capable de reconnaître le son de la brise, donc le vent, le gazouillis des oiseaux, ou encore le ronronnement d'un ordinateur. Ce qui est pas mal le fond de l'assemblage requis quand on y pense, du vent, des oiseaux, puis le bruit d'un ordinateur. Les illustrateurs sonores qui travaillent pour les films et les séries télé peuvent donc respirer, du moins pour l'instant. Les chercheurs assurent en effet que de futures versions de cet algorithme pourraient un jour faire leur travail. Allez voir assemblagerequis.com pour plus de détails et pour voir la petite vidéo de démonstration. Je l'ai regardée pour la décrire. Là, on voit des plans qui coupent. Mettons, quelqu'un qui tape dans du gazon, tape sur une bûche, tape sur un bout de bois, etc., etc. C'est coupé, coupé, coupé, coupé. Et les sons ont été changés. Donc, en tant que tel, les sons pourraient être le son de toucher à du bois, de frotter du bois pour frotter sur des feuilles. C'est pas nécessairement le même son par rapport au même extrait vidéo. Donc, c'est ce qui nous prouve que, dans le fond, ça a été rematché par une intelligence artificielle. Justement, des chercheurs de l'université de Radboud aux Pays-Bas ont entraîné un réseau neuronal profond afin qu'il soit capable de transformer un portrait dessiné à main levée en image photoréaliste. La technologie pourrait par exemple être utilisée pour croiser des portraits robots avec les bases de données de criminels fichés, voire aider les artistes à améliorer leur coup de crayon. Dans les enquêtes policières, le recours aux portraits robots est fréquent, reste qu'il est en général compliqué d'utiliser cette information pour identifier un suspect dans une base de données photographique, car la représentation est souvent trop éloignée pour pouvoir établir une comparaison directe. Toutefois, il se pourrait que les enquêteurs soient bientôt épaulés par des ordinateurs capables de produire une photo à partir de portraits robots de dessinateurs. Cette technologie existe et fait preuve d'une redoutable efficacité. Dans un article intitulé « Convolutional Sketch Inversion », une équipe de chercheurs de l'université de Radboud aux Pays-Bas décrit ses travaux sur une intelligence artificielle qui peut transformer divers types de portraits dessinés en images photoréalistes. Plus précisément, il s'agit d'un réseau neuronal profond convolutif, une architecture multicouche inspirée du cortex visuel des mammifères qui a déjà permis d'accomplir des prouesses dans le domaine de la reconnaissance d'images et vocales. À l'université de Radboud, les spécialistes ont utilisé une base de données de plus de 200 000 photographies de visages successivement convertis en dessins aux traits, puis en croquis monochrome et en croquis couleur. Ces contenus ont servi aux traits, puis en croquis... ces contenus ont servi à entraîner un réseau convolutif profond en 11 couches afin qu'il apprenne à faire la même chose inversement, c'est-à-dire recréer la photographie d'un visage à partir d'un dessin ou d'un croquis. Une fois la formation terminée, l'intelligence artificielle s'est vue confier une autre base de données dont elle n'avait aucune connaissance préalable. Elle s'est montrée très performante, en particulier avec des dessins aux traits à partir desquels le programme parvenait à restituer une image photoréaliste en reproduisant fidèlement la couleur de la peau et des cheveux. Selon les concepteurs, le programme détermine la couleur non seulement en fonction des différences de nuances du dessin, mais également en se basant sur des traits de visage spécifiques aux différentes ethnies. Pour pousser encore plus loin l'expérimentation, l'intelligence artificielle a ensuite été confrontée à une base de données contenant des dessins réalisés à main levée et non pas générés par un logiciel de traitement d'image. Là encore, le programme est parvenu à sortir un rendu du photoréaliste. Cependant, il a rencontré un peu plus de difficultés, en particulier lorsque le trait de crayon n'était pas souligné d'un dégradé créant une nuance. Un défaut que les chercheurs pensent pouvoir facilement corriger en ajoutant des dessins reflétant des styles artistiques particuliers à la base de données qui sert à l'entraînement. Donc, allez voir encore une fois plus de détails sur assemblagerequis.com. On fera le reste des nouvelles la semaine prochaine. On va terminer notre émission ici dans quelques instants à peine. Donc, Mathieu Planchot qui se termine à l'instant. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine entre 15h et 17h, toujours les mercredis. On joue aussi les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis les mardis à 14h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive, toujours à ce moment-là que je me trompe. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante, soit avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante, vous avez été planté. Restez là pour Audiomatique pour les auditeurs du mercredi. Et à la semaine prochaine. Bye bye.